89.1 FM. 89.1 FM. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Sébastien Guertin nous donnera notre note finale dans son bulletin Guertin et Xavier McLeish nous dira quoi ne pas dire, quoi ne pas faire dans le domaine de la mode. Assemblage requis commence tout de suite. Bienvenue à Assemblage Requis, ce mercredi 26 avril 2017. On est à genre une journée et demie, deux à peu près là, de la fin de la session. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières. On est en dessous des studios tellement que Tania cherchait sa mousse en dessous de la table. Hey boy, hein? J'ai réalisé qu'en la sortant de mon tiroir, en fait, je l'ai pitché au bout. T'as hâte que la session finisse, toi, je pense. Juste un peu. C'est ça. Il est temps, là. On dit donc une journée et demie, deux jours, dépendant. Il y en a qui finissent jeudi, vendredi. Ça dépend à quelle heure vous trouvez que la semaine se termine. T'sais. C'est à la fin de la journée, c'est au début de la journée. Ça dépend, j'imagine que ça dépend du dernier examen que vous allez faire. Ça ressemble à ça. Mais avant que ce soit vendredi à matin à minuit, donc qu'il reste le vendredi à faire, il reste une journée 16h26min36s. Ouh là là, lâchez pas. Sébastien F. Gartin est avec nous. Salut. Bonsoir. Toi, tu calculerais ça comment à la fin de la session? Il reste combien de temps, tu penses? Ben moi, je suis en rédaction depuis un an. Fait que la session finit jamais puis commence jamais. C'est comme juste un... Tu sais, pas le rush de fin de session, mais juste la période, juste un petit peu avant, quand tu commences à avoir de la pression, mais que t'es pas encore sa deadline. Ouais. Je suis comme dans un état permanent de tout ça depuis un an. Ah, wow, fait c'est on plaisant. On dirait que les... Moi, je suis vraiment un poster boy pour la maîtrise, là, mais... Fait que sur un compteur de temps qui reste à la session, tu serais un symbole d'infinité et un point d'interrogation. Exactement. Pas mal ça. Wow. Exactement ça. Pas pire. Méfiez-vous pas là-dessus, on va vous dire une journée de mienne. Donc, de notre côté, pour le plan de l'émission d'aujourd'hui, à 8h30, Xavier McLeish va être là pour sa chronique « Qu'on n'a pas à dire, qu'on n'a pas à faire ». Ah, ok, oui. Cette fois-ci, c'est de la mode qu'il nous parle. Ouh là là. Je sais pas si vous nous parlez de son rasage de cheveux sur un coup de tête. Je sais pas, mais si on se fie au dire, d'après moi, il va parler de leggings pour les filles. Ah, peut-être de leggings. Cool. Alors, on a aussi Alfalfa Lutin à la fin de l'émission. Il va être de retour. On pensait qu'il était parti en vacances pour le restant de l'année. Ben oui. Mais non, il va venir nous parler de jeux de société qui se démodent jamais de par leurs expansions. Par exemple, Monopoly, tu peux jouer plusieurs années après parce que t'as de l'expansion, t'as des nouveaux... des nouvelles formules aussi. En fait, c'est juste des nouvelles versions de Monopoly. C'est ça. Genre. C'est pas tant des expansions. Les expansions, c'est ce que tu rajoutes dans le jeu de base. Là, le Monopoly, c'est juste qu'ils font tout le temps des nouvelles versions du jeu de base. Là. Tu diras ça, Alfalfa Lutin. Ouais. Mettons, le bip de jeu, t'as des extensions. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est vrai. Donc, ce sera à vers les 9h. Ta collègue s'en vient aussi plus tard, Tania Zgalatutania. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je vais vous parler d'une compagnie qui était connue ici à Trois-Rivières, qui ne l'est plus parce qu'elle a disparu. Mais... Pété! Non. Oh, malaise! Mais vous allez voir, elle est connue quand même partout mondialement, puis elle fait jaser de plus en plus. Nathalie Simard pis sa cabane à sucre, c'est ça? C'est ça, exactement. T'as tout compris. Ça fait partie... Ouais, c'est ça. Ça intéresse le monde. J'ai pas dit qu'elle avait été créée ici, par contre. Non. Nathalie Simard... Elle était ici avant, la compagnie, mais elle ne l'est plus. Ah, on ne peut que supposer des choses. Exact. C'est tellement Ikea, non? C'est pas vrai. Tellement Ikea. Et on a déjà eu un Ikea, toi? Non. C'est ça, je Non, il y a déjà eu une boutique, là, vraiment longtemps, me semble, mais genre, tu sais, comme... Il y a comme pas l'âge d'y aller. Ah, il y a comme sa petite sœur, là, sur le boulevard des Récollets, maintenant, qui s'appelle Gisque. Ah oui, ça ressemble à ça? C'est un Ikea miniature. Ah, je savais pas ça du tout. Oui, c'est vraiment bien. Eh ben. Bref, tout ça pour dire que l'émission va commencer maintenant avec Sébastien F. Guertin. Vous l'avez entendu, c'est lui qui nous présente chaque semaine son bulletin Guertin. Sébastien F. Guertin, bonjour à toi. Bonjour. Une dernière fois pour cette session. Eh oui. Faut bien qu'on finisse à un moment donné. C'est ça. J'ai parlé de notes finales, mais je pense pas que tu vas nous résumer l'année scolaire. Ben, en fait, étant donné que j'étais vraiment persuadé qu'on terminait la semaine dernière, j'ai fait un peu ma note finale la semaine dernière. C'est vrai. Ma petite réflexion de fin d'année. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les primaires françaises. Oh! Le premier tour des primaires françaises a eu lieu et je ne peux pas ne pas en parler. Est-ce que tu vas nous expliquer comment c'est possible que Marine Le Pen puisse se rendre au deuxième tour avec le Front National puis après ça décider de devenir indépendant? Ben, premièrement, il y a deux parties à ça. OK. La première partie, comment que le Front National s'est rendu au deuxième tour. Premièrement, c'est pas la première fois. C'est déjà arrivé. La dernière fois, c'était en 2002, si je me rappelle bien. Avec son père. d'ailleurs, là, les blagues fusent à tout sens. Y a quelqu'un, entre autres, qui disait que ça allait être l'élection française la plus édipienne qui a jamais eu lieu. Mm. On a d'un côté le candidat Macron qui a marié sa mère. En ça, sa mère symbolique. Okay. Parce qu'Emmanuel Macron, en fait... C'est comme le syndrome d'Oedipe, lui, il connaît ça. On va le clairer. Emmanuel Macron, sa femme, la future peut-être première dame de la France, en fait, ils ont presque 30 ans de différence d'âge. Une vingtaine d'années, en tout cas. C'était son enseignante quand il était au secondaire. OK. Il y a eu une romance avec le jeune adolescent Macron. Ils ont commencé à se fréquenter quand il avait 15 ans, apparemment. Quand il était en âge d'eux, ils se sont mariés. C'est spécial. C'est donc bien malaisant. C'est spécial. Oui, c'est très malaisant. Ils devraient rencontrer Céline Dion, tu sais. C'est ça. C'est dans le même. Ouais. Moi, je prévois que s'ils se divorcent, parce que les premières dames en France, ça finit pas souvent bien. C'est vrai? je pense qu'il va falloir représenter Céline Dion. Ils ont à peu près le même âge en plus. Il est relativement jeune pour un président français de toute façon, Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a quoi comme 42. Non, mais il va peut-être la trouver trop jeune. En fait, il y en a qui l'ont présenté comme le Justin Trudeau français, c'est-à-dire. Faut tout le temps qu'on soit le quelqu'un de quelqu'un d'autre, hein. C'est ça. Ouais. Marine Le Pen, c'est le Donald Trump. Dans le de cas, la France. C'est un pire du pire. Tu sais, il y a encore. Tu sais, Justin Trudeau, au moins, il avait. Bon, on peut y critiquer bien des choses. Il avait au moins une femme du même âge. Bah oui. Mais Justin Trudeau, il y avait un programme, ce qu'Emmanuel Macron, même ses militaires, le reconnaît semi qu'il n'y en a pas vraiment, en fait. Oh. Il n'y a pas ça vraiment aussi, de proposition claire. Effectivement, c'est très malaisant. Lucas, mon co-animateur de la sortie de secours, qui est un grand fan de politique française et des Françaises en général. Considérant le fait que sa copine est française. Sa copine est française. On salue Marie. on va pas commencer à faire de prière, la laïcité. Hein. Mais c'est ça, donc... Lucas avait même fait avait trouvé un article sur Internet d'une journaliste française qui avait milité dans toutes les parties juste pour voir comment ça se passe à l'intérieur des partis. Oh, pas fou, ça. Puis les militants pour Emmanuel Macron ont une formation sur comment éviter de parler de la plateforme parce que, tu sais, il n'y a pas grand-chose dedans. Oh. Vide. C'est vrai, même son organisation de campagne le reconnaît. Finalement, ça va bien pour le deuxième tour en France. Puis de l'autre côté, ben, il disait, tu sais, la candidate qui a tué son père, parce que depuis que Marine Le Pen... Ben, Le Pen père est encore vivant, là, on s'entend. Mm-hmm. C'est juste symboliquement... C'est imagé, du moment que Marine Le Pen a eu la chefferie du parti quand son père a quitté, dans le fond, là, a décidé de prendre sa retraite. Du moment que Marine Le Pen a été à la chefferie du parti, tout ce qu'elle a fait, c'est essayer de rendre le Front National plus socialement acceptable, parce qu'on le sait, de l'époque de son père, mm-hmm. ça l'était pas. Ouais. Il a été connu, Jean-Marie Le Pen a été connu pour être un négationniste de l'Holocauste, entre autres. Il faut quand même le rappeler. Mm-hmm. Essaie de normaliser la xénophobie. C'est ça, exactement. Puis c'est très, très, très stressant ce qui me concerne, parce que on va le dire tout de suite, Donald Trump, c'est une affaire. On parle du fait que c'est semi-facho puis tout le kit. Il y a du un peu facho dans la trumpisterie actuellement. Mm-hmm. Mais à base, si on oublie un peu les grandes formules puis tout ça, Donald Trump, ça reste un gros candidat de l'establishment qui travaille pour les plus riches de ce monde. Ça. Et qui a très bien a fait une magnifique job de PR pour camoufler ça en étant un candidat du peuple. Ouais. Mais en faisant exactement le contraire de l'intérêt du peuple. En imitant aussi un républicain, alors que ses opinions en tant que telles à la base ne sont pas nécessairement tout à fait de droite. Ouais, ben là, finalement, c'est, on voit que les opinions de Donald Trump, c'est très malléable. Oui, là, ça change aussi. Il est influençable. On le voit aussi avec le, ben, tu sais, là, un mois, le Canada était le BFF des États-Unis. Puis là, ben, cette semaine, il a mis des pénalités sur l'exportation de bois d'œuvre canadien. Mm-hmm. Ce qui a été toujours un petit peu un problème dans les relations Canada-États-Unis, mais là, lui, il est allé avec. Il est allé avec le il a sorti gros gun. Là, lui a fait, ben non, on négocie pas, 20% de taxes sur ce qui vient du Canada dans le bois d'œuf. Mm. Bang. Puis là, il dit qu'il veut s'attaquer à nos produits laitiers, vu que nous autres, on a la gestion de l'œuf, puis qu'il aime pas ben ça. Ouais. Mm-hmm. Parce que ça fait que nous autres, on est capable de produire pour moins cher, en fait, à cause de ça. Il y a pas de. En tout cas. Ça, c'est ça, j'embarquais pas dans ce domaine-là parce que c'est très compliqué, mais en gros, la gestion de l'œuf. La gestion de l'œuf fait que. Ouais, c'est ça, on parle de l'œuf. Bref, parle pas de la gestion de l'œuf parce que ça, je pourrais faire 10 heures là-dessus. Puis moi-même, je suis même pas à l'aise pour le faire parce que c'est extrêmement compliqué comme dossier. Là. Fait que c'est pas une affaire à faire qu'une chronique avec podcast. C'est ça. Donc, en France, ce qui est spécial en France, c'est qu'ils ont vraiment choisi un candidat, comme tu l'as dit, vide complètement d'un côté, et une autre très extrémiste. C'est exactement. Vraiment les deux extrêmes. Ben, il y en a qui vont même dire, il y a Alain Deneau, entre autres, qui est un philosophe québécois qui enseigne en France, qui écrit beaucoup de livres sur ce genre de choses-là, qui, entre autres, a fait un long texte sur les inrecuptibles, les inrocs pour les connaisseurs. Pour les connaisseurs. Un texte fleuve comme ça de la France en fourmi sur les inrecuptibles à propos de la campagne de Macron, en fait, qui dit c'est qu'en fait c'est un extrémiste d'une certaine manière, c'est un extrémiste du centre et du vide. Ah d'accord. Parce que en gros il propose rien, parce que Macron tout ce qu'il veut faire c'est continuer dans la même vague que Hollande puis Sarkozy de la droite économique, en fait, puis de ne rien s'occuper d'autre. Mm-hmm. C'est un peu comme ce qu'on a au Québec depuis un certain temps, c'est des gestionnaires. C'est exactement ça, c'est de l'extrémisme, ils appellent ça de l'extrême-centre, là. Mm-hmm. C'est que on n'a aucun projet, on n'a aucun idéal, on n'a aucune forme de théorie qui sous-tend ce qu'on fait, autre le fait que, ben, on gère l'État comme une grosse entreprise. La roue continue de tourner, puis... C'est ça, exactement. Rien de nouveau, on stagne un peu. Les banques sont bien contentes, la grosse entreprise est bien contente, puis le monde mange la main. Ouais. Pas mal ça. Mais l'euro reste l'euro et la France reste dans le... C'est ça. Mais ça, c'est ça, faut faire attention, parce qu'on est porté, tu sais, au Québec, veut pas, même les plus fédéralistes ont quand même un petit patriotisme en général de, tu sais... Fait que, tu sais, de pas tant se considérer si canadien que ça, tu sais, pas comme, mettons, si tu compares avec, mettons, un Ontarien qui est canadien all the way, puis lequel province qui vient, c'est quasiment, on s'en fout un peu, là. Bon, on a tout le temps un peu, quand même, on flotte un peu dans les notions d'indépendance nationale puis tout ça. L'Union européenne, pour bien des affaires, est assez importante pour les gens qui vivent dedans. C'est pour bien du monde de notre génération, ce qui fait qu'ils peuvent avoir une job, en fait, parce qu'ils peuvent aller travailler ailleurs que dans leur pays d'origine. Ouais. Mm-hmm. Ils peuvent poursuivre des opportunités ailleurs que dans leur petite ville. Ce qui est, puis d'ailleurs, surtout pour les jeunes français, c'est souvent un problème, parce qu'en France, c'est assez chauvin là-dessus. Si t'es allé à l'université à Bordeaux, tu te feras pas engager à Paris. Ah. Ça marche de même, eux autres. Là, même si, mettons, tu décides d'aller à l'ENA à Paris, si tu veux aller travailler à Lyon après, ben, tu sais, l'ENA, c'est parce que c'est la grosse école d'administration. Là, fait que ça, mettons, eux autres, ils ont peut-être un passe-droit, mais en principe, de la façon que ça marche en général, tu passes en dernier pour travailler à Lyon, mettons. Ils prennent des gens qui étudient à Lyon. Ouais. Parce qu'ils ont une université dans toutes les grandes villes. Mmh. Puis il y a une grande ville dans chaque région. Fait que, ben, tu sais, quand tu étudies dans cette région-là, tu travailles dans cette région-là. Okay. Tandis que, ben, si, mettons, ils décident d'aller travailler en Allemagne à la place, ben, les Allemands, eux autres, reconnaissent les diplômes français de facto à cause de l'Union européenne. Puis, ben, OK. Travaille ce que tu veux. Fait que, ainsi de suite. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses comme ça. Fait que l'Union européenne, tu sais, comme quand il y a eu le Brexit l'année passée en Angleterre, puis, tu sais, quand je dis il y a eu le Brexit, c'est le vote sur le Brexit. C'est pas terminé encore. Ouais, vraiment c'est ça. Pas encore fait, là. Mais c'était dans les, tu sais, c'était la Grande-Bretagne qui votait, mais c'était les Anglais, dans le fond, vraiment l'Angleterre, là, qui a fait passer le camp du oui, là, le oui on s'en va, là. Puis ce qui a été dit souvent, en fait, c'est que c'est beaucoup les jeunes qui ont voté contre, en fait, la sortie du qui ont voté contre le Brexit. parce que les jeunes britanniques voulaient pouvoir aller travailler en Europe continentale. Mm-hmm. Là, ce qui est proposé par Marine Le Pen, c'est un peu la même chose. C'est qu'elle, c'est non, on sort de l'Union européenne, point. Mais c'est vrai que je sais que ça a rapport avec ta chronique, mais je trouve ça bizarre que la question ait été posée comme ça. Est-ce que vous voulez quitter l'Union européenne, oui ou non? Il me semble que ça avait été posé à l'envers. Voulez-vous qu'on reste dans l'Union européenne, mm-hmm. oui ou non? Ben ça, c'est les questions de référendum, en fait. Les Britanniques, là-dessus, le font mieux que nous autres, on va le dire. Eux autres, les deux partis, dans le fond, le oui puis le non, négocient avant de commencer le référendum. Ça va être quoi la question? Ouais, OK, je comprends. Nous autres, au Québec, à toutes les fois qu'on a eu des référendums, ce qu'on a fait, c'était que ceux qui demandaient le référendum, c'était le monde qui finissait par être le camp du oui. Ouais. Puis c'était eux autres qui écrivaient la question, puis ça finissait là. Ça a donné le même résultat, dans le fond, quand on y pense, parce que la question était aussi est-ce que vous voulez qu'on quitte, alors qu'ici, c'était est-ce que vous voulez qu'on forme un pays, c'est ça? Ouais. Bon, donc ça a donné le même résultat. Ben, en fait, les référendums. Là encore, ça pourrait être une très très longue chronique sur les questions de référendum au Québec. Il n'y a pas eu de question référendum qui a été aussi simple que voulez-vous qu'on forme un pays. Okay. Le référendum de... je me rappelle vraiment de la date du premier, c'est 85. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est très long comme question. Le référendum de 95, c'était une phrase la question, mais la phrase faisait plusieurs lignes. Ça a été très critiqué d'ailleurs, que la question était quasiment incompréhensible, en fait, tellement qu'elle était longue. Je veux dire, quelqu'un qui est au fait des choses, qui s'intéresse à la politique, qui a peut-être même une certaine éducation, avait pas de misère à l'aller, mais monsieur, madame, tout le monde, ou quelqu'un qui a justement pas tellement d'éducation, mais Colin, ce monde-là aussi, on le droit de vote, là, c'est normal. Là. Je veux dire, quelqu'un qui est pas particulièrement bon en français, qui a de la misère à aller, qui peut avoir une opinion quand même. Peut avoir une opinion très valable, mais a eu de la misère à lire cette question-là. Ça, c'est une affaire qui a été critiquée. Bref, on parle de tout sauf de la France. Moi, je vais parler de la France. Ça me fait beaucoup plus peur Marine Le Pen en France que Donald Trump aux États-Unis. Okay. Donald Trump aux États-Unis, comme j'ai dit, on fait bien des jokes sur le facho, tout ça. Donald Trump, ce qui fait peur avec lui, en fait, c'est qu'il est pas il est imprévisible. Ouais. Il joue sur ses émotions. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que Donald Trump, c'est un... imaginez, tu sais, le boss incompétent qui est la seule chose à laquelle il est bon, en fait, c'est obtenir des promotions, mais que dans chaque poste qui est, à chaque fois qu'il y a un nouveau poste, c'est fail par-dessus fail. Tu sais que quand lui débarque dans ton département, ça va être de la merde. Puis qu'il réussit à monter pareil parce que, en fait, son seul talent, c'est d'être bon à avoir des promotions, à être bon à pousser sa carrière un peu plus loin, mais il n'y a aucun autre talent que ça. Ouais, c'est ça. Donald Trump me semble être un peu ça poussé à l'extrême. Ouais. Il n'y a aucunement les connaissances et les compétences et la personnalité pour être président des États-Unis. Il dit lui-même, les informations qu'il y a, il prend de Fox News. Hein. Ben, c'est ça, il écoute la TV le soir, puis ça a commencé par être les médias qui le critiquent de « il a l'air de faire ça », puis à un moment donné, il s'en est vautré dedans carrément, puis lui-même dit que c'est ça qu'il faisait. Exact. Au lieu de non, c'est pas vrai, j'ai des. Non. Il y a des conseillers payés très cher de l'heure. Ouais, c'est ça. Qui sont beaucoup plus qualifiés que Fox News. Ouais. Mais écoute, Fox News, eux autres, c'est des vrais médias. Mais il y a ça, puis de l'autre côté, il dit, tu sais, je suis une personne, genre, vraiment intelligente. Il a déjà dit ça, citation de Donald Trump. Mm-hmm. Et de j'en sais beaucoup plus que les généraux en termes d'armée et de guerre, tu sais. J'en connais plus qu'eux autres. Tu sais, fait que d'un côté, il sait qu'il prend ses informations de la télé, et de l'autre côté, il se pense vraiment intelligent. Mm-hmm. Mais. T'sais? Référé à ce que j'expliquais, le boss incompétent qui fait juste avancer sa carrière. Failing upwards, comme on l'appelle en anglais. Ouais, failing upwards, exactement. Trump, c'est ça, en fait. Le problème, c'est qu'à date, il a été loqueux. Ouais, c'est surtout ça. Puis là, il s'est retrouvé à 70 ans avec un des sièges qui te confère le plus de pouvoir dans le monde. Mm-hmm. Puis, tu sais, pas rien que gérant de McDo, là. Tu sais, il est président des fucking États-Unis. Sans vouloir vous offusquer, gérant de McDo. Ouais. Surtout les désolé si vous on s'entend, l'impact de ses décisions est un petit peu plus grand qu'un gérant de McDo. Ouais. Je veux dire, je respecte légèrement. Les gens qui font ce job-là. C'est ça. Là. Parce que le plus grand échec que McDo a fait plus récemment, c'était genre le service aux tables. C'est pas un gros problème, ça s'enlève. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. Ben, je pense qu'ils l'ont enlevé d'ailleurs. Et là, parce que ça, c'était la référence. Mais si on le compare après ça avec Marine Le Pen, c'est une politicienne de carrière, mm-hmm. malgré tout ce qu'on va dire, extrêmement cultivée, mm-hmm. extrêmement intelligente. Le problème, c'est que c'est une fanatique. Exactement. C'est là qu'est le problème. Puis ses convictions sont peintes. Les peu de gens qui sont amis Facebook avec moi l'ont vu hier. Enfin, je l'ai écrit puis je vais leur dire en ondes. Présentement, ce qu'on vit, c'est ce que le monde vivait dans les élections de 1932 ouais. quand que Hitler était c'est en train ton, de se faire élire. Comment on appelle ça, le point Godwin, je sais pas quoi? C'est, ben oui, comme tel, c'est quand un point Godwin quand tu fais référence à Hitler, mais c'est parce que c'est la même chose. Puis elle a, le, à peu de choses près, le même... Le même discours puis la même plateforme électorale. Hitler, il a pas dit qu'il voulait gazer les Juifs quand il s'est fait élire. Mais non, il a dit qu'il voulait aider le peuple. Hey! Au début, il voulait juste les sortir, garder l'Allemagne aux Allemands, puis c'était les mêmes formules en plus, tout le kit, la France aux Français, puis envoyé par là. Pas les slogans, C'est la même, même affaire. C'est la même chose pour Make America Great Again, quelqu'un d'autre de super... Ça, c'est... Quelque chose comme ça. Il y a des relents de nationalisme extrémiste c'est comme ça. Make America Great Again, je veux dire, mais il y a pas la même notion de... Parce qu'une des différences, une des différences. Trump joue beaucoup sur la peur des personnes de couleur. C'est ça. Mm-hmm. Surtout les illégaux. Parce que, tu sais, ceux qui leurs papiers sont régularisés puis tout, il y a moins de problèmes avec les autres. Il y en a, mais il y en a moins. Ils vont être en bas de la liste. Ceux qui sont dangereux, c'est ça. C'est ceux qui sont. Hey, c'est les maudits illégaux qui traversent la frontière. Tu sais, il y a comme tout un narratif. Ils vont vendre des drogues. C'est ça. Tu sais, il y a tout le narratif des immigrants illégaux, tu sais, qui sont comme des gens de parasites de la nation américaine puis tout ça. Ça c'est une chose, puis il y a déjà commencé à avoir les agents de douane qui vont chercher du monde puis qui les sortent, des gens qui sont établis puis tout. C'est déjà dégueulasse, déjà dégueulasse. Ce que Marine Le Pen, c'est une coche de plus, c'est que elle, ce qu'elle veut faire, c'est carrément enlever le droit du sol et ramener seulement le droit du sang. Faut que tu sois né en France, pour être parents français. Faut que tu sois même pas nécessairement né en France. Ça, on s'en sac. Mais il faut que tu puisses remonter. Puis là, le droit du sang, ben, c'est la question, c'est tout le temps jusqu'à quel point loin qu'on remonte. Mais il faut que tous tes ancêtres, jusqu'à un certain stade, soient français. C'est excessivement raciste. C'est très. Surtout très quand radical, tu considères que l'Europe, ça se mélange depuis un moyen bout. Mais oui, et l'histoire du monde au complet est basée sur le fait que les gens bougent. Puis les gens. Tu sais, une des choses, il y a eu certaines colonies françaises qui ont finalement eu des passe-droits pour devenir... on pense à l'Algérie, entre autres, que pour un Algérien, c'est beaucoup plus facile d'aller vivre en France. Mm-hmm. Mais là, ce monde-là, écoute, hey, on les sort, là, eux autres-là. Là. Fait que tu sais, pour l'instant, on s'entend, là, elle n'a jamais parlé d'assassiner personne. Mais non. Mais en 1932, Hitler ne parlait pas vraiment d'assassiner personne non plus, tu sais. Je veux dire, même le monde de son parti s'attendait pas à ça là, pour certains. Là. Mm-hmm. Fait que la même affaire du côté de Marine Le Pen, tu sais, je veux dire, c'est très stressant. Puis là, le problème, c'est que c'est un peu comme si c'était inversé présentement. L'Allemagne, malgré le fait que c'est un des pays qui est dirigé par la droite économique au coton, ça reste un pays que sur les questions nationales, sur les questions d'immigration, sont quand même pas mal plus ouverts que la moyenne. Justement, parce que... Ils ont comme pas eu le choix, mettons. On s'entend-tu que quelqu'un qui aurait un discours, un dixième de ce que Marine Le Pen fait là en Allemagne, tout de suite, c'est un nazi. Ouais, c'est clair. Présentement, pis ça, c'est un problème. Ça a été dit, d'ailleurs, dans le temps que... À l'époque où ce que Trump est rentré au pouvoir, puis si je parle d'époque, c'est v'là 3 mois, même pas, là. Mm-hmm. C'est pas mal v'là 3 mois. En avant, il a fait son 100 jours, il a quand même réussi non, à faire 3 mois. Qui est rentré en poste, là. Ouais, le 3 mois est fait, il y a eu son 100e jour, il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est genre demain ou. C'est demain. 97, quelque chose comme ça, je suis pas sûr, mais il me semble. En tout cas, c'est pas, j'ai vu passer rapidement des articles sur le. Honnêtement, cette semaine, j'ai pas mal plus. Ouais, non, mais tu passes en France. C'est un peu la même affaire que quand tu veux faire un résumé d'année, tu fais ça au début du mois de décembre. Ici, le résumé des 100 jours, c'était au 90e. Ouais, c'est ça. On prend des libertés avec ça. C'est ça, veux pas. Si ça tombe la fin de semaine surtout. Oh. C'est ça. j'ai complètement perdu le fil de ce que je m'excuse. C'est ça, donc l'Allemagne présentement, ben tu sais, eux autres, ils se gardent des petites gênes. Il y en a qui l'ont dit, tu sais, faut arrêter de présentement. On dit des. Ah, tu sais, de la droite radicale, des nationalistes, des choses comme ça. Faut appeler un nazi un nazi, à c'est du fascisme, je veux dire. C'est la définition même du mot. J'ai pas pris la plateforme du Front National pour la lire de ligne en ligne, mais c'est. Ça reste qu'absolument tout ce qui est proposé par Marine Le Pen, ça reste la même chose que du fascisme. C'est pureté de la race, quand même assez forte sur la droite économique, mais de la droite protectionniste. Mm-hmm. sortir de l'Union européenne. Là, mon petit favori, Mélenchon, lui aussi s'alignait pour sortir de l'Union européenne, pas pour les mêmes raisons par contre. Elle, c'était la France aux Français. Mélenchon, lui, c'est la France au peuple français. Ce qui est une petite différence, c'est que l'Union européenne, même si j'en ai fait un peu une défense en début de chronique, c'est pas parfait non plus. Le problème avec ça, comme avec toutes les traités de libre-échange, c'est que c'est retirer de la souveraineté aux gens, dans le fond à monsieur, madame, tout le monde, dans le fond dédémocratiser un peu la démocratie pour donner plus de pouvoir aux compagnies. C'est systématiquement ça, puis comme Mélenchon, c'est pour ça que lui, la France, mettons, un président Mélenchon n'aurait pas eu le choix de d'éventuellement tenter de sortir de l'Union européenne avec ce qu'il a dit, parce qu'il n'aurait pas pu domper les traités. Mélenchon n'aurait pas eu le choix de flusher le bébé avec l'eau du bain, de son point de vue. Marine Le Pen, elle, il n'y a même pas de bébé qu'on peut flusher avec l'eau du bain, flusher l'eau du bain. Donc, c'est ça. Ça fait peur, puis moi, je trouve ce qui a peut-être le plus capté l'essence du problème actuellement, c'est la caricature dans le Nouvelliste, je crois, hier, qui a circulé un peu sur Facebook, qui était on voit Poutine, Trump, puis Kim Jong-il de la Corée du Nord. Un à côté de l'autre, c'est écrit au-dessus les quatre cavaliers de l'apocalypse. Ah, ça me dit quoi, t'as ça? Les trois qui disent manquer Hank Marine. Fait que c'est ça. Ouais. C'est ça. Ça regarde pas bien pour une. Tu sais, je me rappelle d'avoir en onde dit, t'sais, faut pas paniquer avec la troisième guerre mondiale. Mais. Ouais. Puis ouais, le problème, ça. C'est que si le Canada, c'est assez possible. Que Marine Le Pen commence à faire un nettoyage ethnique. Nettoyage ethnique, ça veut pas dire de tuer du monde nécessairement, je suis pas en train de dire ça. Dans d'autres pays. Ok, toi, ça fait combien de générations que vous êtes. Ah, ok, pas assez, parfait, sac ton camp. Ah, ça, c'est n'importe juste quoi. Sortir le monde. Wow. Ouais. Tu détermines ça comment en plus, c'est quoi? Ben, c'est pas. Ce que je dis, c'est pas encore. Tu sais, c'est quand même pas fait, mais. C'est pas elle a eu impossible. Presque le même pourcentage de vote que Macron aux élections du premier tour, non? Macron a quand même une bonne 3 avance. 3 millions, c'est combien de différence? Macron a quand même une bonne avance. Tania avait lu là-dessus, je me rappelle plus des pourcentages. Juste après le premier tour, c'était comme 2% de différence avec Marine Le Pen, mais avec les autres candidats, malheureusement, j'ai comme pas pu voir. Il y avait un écart comme lui, il avait comme 24,01%, puis elle avait comme 21,56%. OK, ça c'est au vote. Oui, c'est ça, exactement. Pour les sondages actuellement. Puis moi, les sondages, je prends tout en ça avec un gros grain de sel. On a vu ce que ça a donné avec Trump encore c'est une fois. C'est ça. Mm-hmm. Avec un gros sondage. D'ailleurs, c'est drôle parce que justement, je parlais de Lucas, mon co-animateur de la sortie de secours tantôt, qui est un fan des affaires françaises. On s'en est parlé quand tout de suite après, dans le fond. Puis moi, je disais, c'est pas encore. Lui il était bien sûr que c'était Macron le président. Puis il dit, tu sais, le Front National, ils font ça une fois de temps à autre, surtout au deuxième tour. Là, tout le monde capote un peu, puis tout le monde vote contre. Puis il dit, tu sais, Macron, il était en avance de 20% dans les sondages. Mm-hmm. Il y a 20% de plus. Présentement pour le deuxième tour. Ouais, okay. Que Marine Le Pen. En fait, c'est pas vrai. C'était vrai, v'là 2 jours. Okay. Par contre, juste comme moi et lui, on discutait de ça, il a sorti une nouvelle comme quoi est-ce que Marine Le Pen, parce que moi, ce que je disais, c'est que je dis, fie-toi pas là-dessus, on sait pas ce qui peut arriver, check ce qui s'est passé aux États-Unis. Lui me disait, non, mais c'est pas pareil, là, tu sais, Macron, il est pas mal plus en avance, il a telle affaire du système français, telle affaire du système français, il faudrait qu'elle sorte un solide lapin de son chapeau pour gagner. Puis moi, je dis, ben, ce que je pense, c'est qu'il y a. Il y a encore très forte possibilité qu'il y ait un lapin qui sort d'un chapeau en quelque part. Puis, juste comme on parlait de ça, Marine Le Pen fait une sortie publique pour dire qu'elle démissionne de la chefferie du Front National. Mm-hmm. Parce qu'elle veut être la présidente de tous les Français. Et non pas d'ailleurs, à cause du Front National. Le plus magnifique cas de dog whistling ever. Rappelle aux gens le dog whistling. Qu'est-ce que du dog whistling? C'est un anglicisme voulu parce qu'il n'y a pas vraiment de terme francophone encore de décider pour ça. Ils vont en trouver un, Jake Bess. Il va falloir en trouver un. Ça, c'est ton genre de job, Mathieu. Ouais. Du dog whistling, c'est quand dans le fond, tu fais un commentaire public qui, pour monsieur et madame tout le monde, a l'air anodin, mais qui résonne avec certaines personnes de ta frange plus radicales y comprennent ce que tu veux dire. Mm-hmm. Dans ce cas-là, le fait de dog whistling, c'est la France aux Français. Ce que ça dit, ah oui, tu sais, la France pour le peuple français, tu sais, on oublie les multinationales, puis le libre-échange, puis tout ça. Mais le dog whistling, c'est que ça, c'est le message que quand tu la connais pas trop, tu te dis, ah ok, c'est ça qu'elle veut dire. Mais quand tu connais un peu c'est qui, puis quand tu es un radical, ah ouais, la France aux Français, la France aux vrais Français, ouais, ce qu'elle voulait ça. Dire, aux Blancs. Qui sont français de, tu sais, qui ont pas de, qui viennent pas du Maghreb, qui sont pas musulmans, qui, tu sais, c'est ça etc. aussi. Mmh. Ça ce sont le plus beau c'est un peu l'équivalent de tous les temps. Tu sais, quand les portes d'épicerie s'ouvrent, là, t'as comme une trappe d'aération qui envoie un gros jet d'air pour que les insectes rentrent pas. Là, exact. Mais toi, tu passes dedans, tu fais juste, ah, j'ai de l'air d'en face. Les mouches comprennent le message, eux autres. Exact. C'est ouais. Ma affaire. Ouais. Ouais, c'est un peu tout à fait. Une façon de voir ça. L'idée du dog whistling, c'est que un petit chien qui l'entend, mais pas les humains. C'est dans les ultrasons parce que l'oreille humaine l'entend pas, mais les chiens, eux autres, ils entendent les ultrasons, fait qu'ils l'entendent. C'est ça le principe, dans le fond. Ouais. Les extrémistes entendent ce qu'elles voulaient vraiment dire, les autres font juste faire hop, c'est un slogan comme un autre. Fait que c'est ça. J'ai bien aimé. C'est un solide lapin sorti de son chapeau. J'ai pas vu les sondages depuis. De toute façon, moi, les sondages, je prends ça plus ou moins au sérieux parce que c'est tout en fait tout croche. Mais je savais pas si c'était chose possible de pouvoir faire ça, de te rendre au deuxième tour avec un parti, puis d'après ça, décider de devenir indépendant. Si on l'a vu dans des élections locales où des candidats ont changé de parti en cours de route, mais là, la présidence. C'est que dans les présidentielles françaises, les partis. Le système des présidentielles ne reconnaît pas les partis, en fait. OK. Parce que c'est une élection à part des législatives, dans le fond. Le contraire de nous, mettons. Exactement. Ici, on n'aurait pas pu faire ça. Justin Trudeau n'aurait pas pu dire, maintenant, bon, ben, je ne représente plus les libéraux. Il aurait pu, dans le fond, si les libéraux avaient gagné, on aurait pu changer le candidat ou whatever. Mettons, Justin Trudeau dirait, OK, je m'en vais, on le remplace par quelqu'un d'autre. Le Parti libéral aurait quand même gagné. C'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Exact. Justin Trudeau aurait démissionné, aurait dit, ben moi, finalement, je suis plus d'accord avec mon parti, je deviens indépendant. Ouais. Justin Trudeau aurait été un député indépendant, puis ça aurait été l'éventuel chef nommé à sa place T'as voté pour le parce Parti libéral. C'est ça, c'est une nuance, moi, c'est vrai. Nous autres, on est sur le système britannique. Ouais. Le système britannique, c'est ça. C'est le parti. Ça du parlementarisme. Ben, ça représentatif. Parce que tu votes pour leur plan d'action. Pour leur plateforme, exact. Ouais. Le chef du parti devient le premier ministre, dans le fond. Nous autres, l'exécutif se mélange avec le législatif. Okay. Contrairement à eux. Contrairement aux États-Unis, que aux États-Unis puis la France marchent sur le système. On peut dire que c'est un genre de système républicain, où ce que le législatif, c'est. Comme les États-Unis, c'est extrêmement compliqué le législatif parce qu'il y a les deux chambres. Puis l'exécutif, c'est la présidence puis les secrétaires. C'est juste le tiers, dans le fond, du grand système, système politique américain. Ouais, le tiers, l'exécutif, le congrès, puis le sénat. Puis t'as le ben ouais, c'est ça en fait. Le système américain, le check and balance qu'ils appellent, c'est qu'il y a plusieurs. Les États-Unis, il y a plusieurs choses. En France, c'est que t'as l'Assemblée nationale qui est le législatif, puis t'as l'exécutif qui est la présidence. Okay. Puis les ministres de la présidence. Un peu comme aux États-Unis, mais qu'il y a moins de. Le système est un petit un peu. Il n'y a pas deux chambres dans le monde. Il n'y a pas de Sénat en France. Ouais. Mais pour en venir au premier tour, quand c'est ça, j'ai un doute, là, mais. Mais le premier tour. C'est pas moi spécialiste. Les gens, il y avait 11, 12 candidats, peu importe. Ils pouvaient voter. Il aurait pu avoir deux candidats du même parti au deuxième tour. Mettons, tu sais, comme tel, ce qui est arrivé, c'est que Macron, c'est un peu ça qui est arrivé, en fait. Macron, c'était il a été ministre sous François Hollande, François Hollande, c'était le président du Parti socialiste. Ouais. Le Parti socialiste, eux autres, ont fait des primaires. Macron, lui, a fait « fuck les primaires ». Les primaires, c'est François Hamon qui les a gagnés. Macron, lui, ce qui a les primaires socialistes, dans le fond. Mm-hmm. Macron, lui, est juste parti. Il est parti, puis il a fait son propre parti, en fait. Je me rappelle même plus du nom. Là, une autre affaire vide qui veut un peu rien dire. Mm. Il faut travailler sous d'autres. Parti, là, même pas. C'est une affaire, là, c'est France Future. Là, pas ça, là, mais une affaire qui sonne de même. c'est ça. Tu sais, un exemple, Mélenchon, il a son propre parti. Marine Le Pen, eux autres, elle, c'est avec le Front National, mais tu sais, elle peut très bien être la présidente de. C'est juste, mettons, accidentel le fait qu'il soit. C'est que le chef du parti se présente au présidentiel, mais c'est pas nécessaire que ce soit un chef de parti qui se présente au présidentiel. Ah, ok, je comprends. Ouais. T'sais, ils se font un parti parce que c'est juste pour avoir une équipe de campagne, dans le fond. C'est comme Macron, son parti, c'est juste son équipe de campagne, dans le fond. Ouais. J'allais dire autre chose là-dessus, puis j'ai encore perdu mon idée. Je suis désolé, c'est vraiment pas ma chronique la plus tight, c'est pas définir l'année là-dessus. Ça s'appelle En Marche. En Marche. Bon. Ouais. C'est le nouveau mouvement politique, ouais. Emmanuel. Walk This Way, c'est le nouveau parti de Lady Gaga. Walk This Way, exactement. C'est pas Walk This Way, c'est pas Lady Gaga, je dis n'importe quoi. Oui, bref, tout ça pour dire que oui, Marine Le Pen peut se présenter comme ça. En fait, la grosse raison pourquoi est-ce que c'est les... c'est qu'une des conditions pour pouvoir avoir ton nom sur le bulletin de vote, c'est qu'il faut que tu ailles 500... Est-ce 500 ou 100? En tout cas, je sais plus le chiffre. Faut que tu ailles un nombre relativement élevé de signatures de maire de ville. Okay. Ah oui, c'est ça. Pour c'est pouvoir. Parce que eux autres, en France, le municipal aussi, c'est okay. Le maire même représente... système ouais, c'est que ça. Régional puis que le okay. national. Mais le maire représente la population, donc en tant que tel, ouais, la signature du maire vaut la signature de la population. Fait que les maires, ben, ils sont des mêmes partis. Je veux dire, il y a des maires qui se sont fait élire parce qu'ils sont reliés au Parti socialiste, puis ainsi de suite. Mm-hmm. Puis au Parti de droite qui change tout le temps de nom, puis ainsi de suite. Fait que, ben, tu sais, mettons, si le candidat du Parti socialiste, ben, lui, il a de facto toutes les maires qui ont été élus sous l'aile socialiste, ben, ils vont donner leur signature quasiment automatique. Mm. Fait que, tu sais, il est sûr d'avoir ses signatures, tu sais. Le Front National, c'est tout le temps, il force tout le temps un petit peu plus. Mélenchon, il y arrive, mais il pédale. Mais il y arrive d'habitude. Ainsi de suite, là. Puis là, il y a tous les candidats un peu louches, là, qui pensent qu'ils ont été... ça, Infoman a fait une belle job de parler d'eux autres. Là. Ceux qui pensent qu'ils ont été enlevés par les extraterrestres puis qui sont là pour faire venir un nouvel ordre mondial à cause des extraterrestres puis de ces affaires-là. Mm-hmm. Il y en a une coupe en France, tu sais, les Raéliens. Raël, c'est un Français à base. Ouais. Hein. Bref, tout ça pour dire que j'ai réussi à plugger Raël dans une chronique. Hey! Je pense qu'il est temps que je m'en aille. Ah! mais pour terminer, j'ai quand même bien aimé la citation de c'est l'humoriste Cyril Hanouna qui a dit qu'il allait voter. Tu sais, il a révélé son vote. Il a dit « Je vais voter pour quelqu'un qui finit par « on ». Ah, bon, Macron. Mélenchon, il y en a un autre à Mont, t'as dit tantôt? Ouais, il y avait à Mont aussi. Là, il y en avait un autre, je pense. Fait ouais. Clairement quelqu'un ouais. qui sera pas Marine Le Pen. Quelqu'un qui sera ouais, pas Marine Le Pen. Et j'ai aimé. Vas-y. Par contre, je vais finir sur un jeu de mots. Ben, est-ce que ça va être le même que j'avais choisi? Je sais pas. Mais tout ça pour dire qu'il faut faire attention aux lepénistes parce qu'ils peuvent avoir des petits airs de nazis. Oh! C'est bien dit. Oh, ben, faudrait quasiment finir là-dessus. Mais moi, j'aimais beaucoup celle de Arnaud Soli, t'as vu? Que quand il trempe son sexe dans un pot de pickle, on peut dire qu'il se Marine Le Pen. Je trouvais ça drôle, moi. Ouais, c'était pas pire aussi. Ah, ouais, oh, c'est très drôle, ça. C'est quand même pas drôle. Ouais. Celle-là, je l'ai vu passer, moi aussi, puis je me suis dit, c'est sûr que si Mathieu Plante voit celle-là. Hey, one. C'est son genre. Cornichon mariné, en plus. Les boys. Hein. Merci beaucoup, Sébastien Viertin, pour ton travail pendant toute l'année scolaire encore. Oui. Ben, merci, ça fait plaisir. Merci puis, c'est à quelle année? On se revoit en septembre. Ben oui, septembre. Fait combien? Mmh. Trois ans. On le compte plus. On fait partie plus, des meubles. Là. On veut te garder le plus longtemps possible. Fait que finis pas ton mémoire. Hey, merci. Ouais, c'est ça. Ben, même si je l'ai fini en septembre, il y a de bonnes chances que je revienne pareil. Yes! On aime ça de même, les gens qui sont loyaux à notre émission. Merci, Sébastien Viertin. Ça fait plaisir. Salut. Salut. Je sais que Sébastien aime beaucoup de Black Keys. Oui, c'est vrai. Donc, on va entendre un extrait de Bombargo qui disent eux-mêmes sur leur CD qu'ils sont pour les fans des Sheepdogs de Black Keys, Kings of Leon, etc. Donc, on va s'essayer avec leur pièce Super Mario sans le fun. Voir si Sébastien va l'aimer. Est-ce que tu parles de Pour Me Another? Colin, que oui, je te verse ça direct d'en face! Hey boy! À son âge, qui jusqu'à 9h30. Au 89 FM. Et pour me another assemblage requis. Au retour, ça va être Alfalfa le lutin. Oh oui. Oui, j'ai fait une petite pause avec le Père Noël pour revenir. Et j'ai réussi à négocier une semaine. Un nouveau contrat d'une semaine. C'est ça. Assemblage requis de retour dans 2 minutes. Toujours dans l'assemblage Ricky, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Mais aussi d'Alfalfa. Alfalfa! Hey, bonjour, j'allais bien. Ah oui, oui toi? Ouais, je vais bien, oui. Ah, yeah. Oh. Hey, c'est ton retour, hein? T'étais pas supposé revenir à Mais non, départ. C'est parce qu'on a eu des petits problèmes. Je disais, là, le problème de bonbons, là, les allergies, puis là, ça a été un gros, gros problème. Il y a eu une contamination croisée au niveau des allergies. Ah. Et là, comme je suis un spécialiste en confiserie, il a fallu qu'on nettoie toute l'usine pour. Parce qu'on a échappé des arachides. Oh. Ben là, voyons, non, c'est quoi cette gaffe-là? Ça, c'est une petite erreur de production. De jeunesse? Oh, pas de jeunesse, là, à 225 ans. 225 ans? Ouais, ça va vite, hein? Quel rythme ça avance? Par année terrestre ou? Par année terrestre. Voyons, es-tu fou? Le pôle Nord est sur la Terre. Non, oui. C'est ça. Non, non, c'est parce que nous, vu qu'on tourne autour de la Terre, des fois, on passe 2 jours dans 20 minutes. Là. Ah! C'est comme au Yukon. J'avais jamais passé. Oui. Voilà. Pareil comme au Yukon. Bref, c'est Alfalfa le lutin. Et toi, d'habitude, tu mérites des petites clochettes de même, genre, mettons. Oui! Oui! Hey, aujourd'hui, je viens vous parler des classiques qui se démodent pas. Oui, on parle de jeux de société avec toi habituellement, oui, Alfalfa. Ben normalement. Oui, comme c'est ça, là, quand t'es là. Quand je suis là. C'est ça. Et là, je parle de jeux de société qui se démodent pas. Bon, quel genre, là? Mais dans le fond, on va y aller avec le plus grand classique. Quel est le plus grand jeu de l'histoire du jeu de société? Monopoly. Félicitations. Monopoly, à chaque année, ils réussissent à s'innover. Mais pas des expansions, on l'a dit avec Sébastien. Non, c'est pas des expansions. C'est pas des expansions, c'est des nouveaux. Ce sont des nouvelles versions. C'est ça. Mais vous avez parlé de jeu de société? Ben, on a teasé un petit peu, on a agacé ta chronique tantôt. On a agacé. Est-ce que vous avez parlé de Monopoly? On a juste mentionné le mot, ouais. Monopoly, c'est vrai. OK. Et là, ils sortent de plus en plus de versions. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils s'améliorent ou ils font ça différemment. Ouais. Mm-hmm. Et là, ils ont changé une des pions. Les pièces, là, les petites pièces que tu bouges sur Il y a eu un vote sur Internet pour savoir lequel qu'on éliminait pour. Comme les Doritos, pareil. Oui, c'est ça. Ouais. Ils ont enlevé quoi, le dé à coudre? Et là, je pense que c'est le fer à repasser. Qui voulait le fer à repasser? Hein? Personne. Ben, la grand-maman. Il se tenait mal. Moi, j'aimais beaucoup le truc à coudre. J'aimais beaucoup celui, il se tenait bien. Je trouvais. C'est vrai. C'est mon préf. Et là, c'est ça, ils se sont lancés avec Disney dans la création de jeux thématiques avec leur thématique. Qui dit Disney dit Tu sais qu'il dit Disney, dit Frozen. En ce moment, le gros boss Disney, c'est... La Belle et la Bête. Non, mais je sais-tu. Star Wars. Ah, ben là, attends un peu. C'est Disney. Disney par la bande. Non, c'est devenu Disney avec le temps, mais c'est pas Disney à la base. C'est LucasArts. Mais c'est ça, mais c'est leur gros boss en ce moment. Oui, c'est ça, t'as raison. Et là, ils ont créé le Monopoly. Ben oui, ils ont racheté Star Wars au complet. Tant qu'à avoir acheté ça à aussi... un aussi gros prix, aussi bien vendre des produits. Oui, c'est ça, exactement. Et là, ils ont créé le Monopoly Star Wars. Oui. Et que là, tu peux acheter les vaisseaux, les planètes, Hort, tout ça. Star Wars. Mais là, le problème que je sais, c'est que je sais pas les pions. C'est pas les pions? Je sais pas c'est quoi les pions du Monopoly Star Wars. Je m'en rappelle pas, j'en ai tellement fait de boîtes que de voir de différents jeux que je sais plus c'est quoi les pions que sur la table. Attends un petit peu, je trouve ça, là. J'ai ça. Je vois... Un sort laser, j'imagine. Ça va être les personnages en tant que tel. Je pense que c'est comme Darth Vader. Tu penses que c'est vraiment juste les personnages? Je pense que oui. Je vais trouver une meilleure page que ça pour te le dire. Continue. Je pense que je les ai. OK. Non, en effet, je les ai pas. Non? Non. Monopoly, Star Wars Game. J'ai la boîte, j'ai les pions. Moi aussi, mais je vois pas le... En tout cas. Ah, t'as quatre pions personnages, deux rebelles, deux de l'Empire, 44 bases, 22 rebelles, 22 de l'Empire, chacun à double côté, 18 cartes de la force rebelle, 18 cartes de l'Empire. Donc c'est vraiment un Monopoly Star Wars. C'est ça, mais t'as pas les je sais pas combien qu'il y avait de dizaines de pions dans le Monopoly d'origine, là. Non. T'en as pas autant que ça. Ben tu peux acheter juste les planètes, puis de toute façon, ils sont... Bon. Après ça, il y a le Monopoly Empire qui est rendu avec les banques avec des cartes de crédit. Je sais pas si vous avez vu ça. Oui, ben ça, je sais pas. C'est le fun quand même d'être le banquier dans ce jeu-là. Mais c'est toujours intéressant, sauf que on habitue déjà les jeunes à la carte de crédit. Hein. Oui. Ouais. Ah là là là là. Ah là là. Mais au moins, j'ai une dépense de moins de 2000, mais dans deux tours, quand tu vas tomber sur ma case, tu vas me donner 250$. Il faudrait qu'il y ait vraiment, tant qu'à t'embarquer dans ce système-là de carte de crédit, tu devrais avoir aussi genre une marge de crédit, tu devrais avoir les hypothèques sur tes hôtels. Et les impôts liés à la ville. C'est ça. Taxes scolaires. Ça serait scolaire. Pas pire, oui. Ben oui. Il n'y a pas de traverse piéton, le trottoir, réparation d'une poule, il n'y a pas ça. Y a pas ça. Et après ça, ils ont ajouté les Monopoly Monde, Monopoly Canada, Monopoly Québec, Monopoly Doris. Doris, les poissons de Finding Dory. Ouais, je veux bien, là. Ouais. Mais là... Après ça, Monopoly Junior avec Yukai Watch. Est-ce que vous connaissez Yukai Watch? Un animé japonais. Oui. Ouais. Donc, il y a un Monopoly Yukai Watch. Il y a Frozen, comme vous l'avez dit. Ben oui. La face de Tania quand tu parles de Frozen. Son préféré. Moi, c'est les Frozen Meals que j'aime. S'il faisait un film sur les repas congelés, là. Michelin, et voilà. Préfère. Donc, Monopoly, qui est un grand jeu qui se renouvelle à chaque année. Donc, c'est un grand classique. Le problème du Monopoly, c'est que personne ne connaît réellement toutes les règles. Ben non, c'est ça. C'est personne ne suit les règles du début à la fin, là. Mais personne ne veut passer au travers du sachet d'instructions. Du sachet d'instructions. Sachet. Ouais. Ils sont un ramen, même. Du livret d'instructions. Un ramen d'instructions. Ok, oui. Et l'autre point que je veux apporter, c'est que sur Internet, j'ai vu une vidéo où ils faisaient Monopoly, mais avec les vraies règles mondiales. Oh! Et c'est ça. Et donc, ils donnaient aux enfants, « OK, toi, tu viens de tel pays. » Ben, on voit le résumé. Moi, j'ai été voir la vidéo complète, je l'ai cherché. Mm-hmm. Donc, tu possèdes 1,5 500 $ pour commencer. Et toi, tu viens de tel pays, donc tu as 250$. Ah, je l'ai vu! Et donc, t'es toi-même ton pion, dans le fond. T'es toi-même le jeu de Monopoly. Mais c'était pas pour l'équité, équité mondiale. Ils prouvent la mauvaise équité en donnant aux enfants les vraies normes. Là, dans le fond, le gars des États-Unis, il doit tout acheter, mais le gars du Bangladesh, maintenant, il peut acheter les trois premières maisons parce que, de toute façon, il peut pas avoir fille, plus. La fille, elle pouvait pas travailler dans les gares, je pense, ou quelque chose comme ça. C'est une très bonne idée. C'est un peu comme les Nations Unies miniatures qui font dans les écoles secondaires. Je crois, des fois, on voit des séries qui ont un épisode basé là-dessus sur les United Nations, genre, à l'école. C'est un peu le même principe, mais plus... tu comprends mieux parce que c'est Monopoly. C'est tu connais plus ça que les vraies Nations Unies. C'est un meilleur exemple, je trouve, pour les enfants. J'aime tout ça. À fait. Puis là, il y avait plein d'affaires comme que toi, tu peux pas aller en prison parce que t'as trop d'argent. Ouais. Puis toi, t'es toujours rendu en prison. C'est vrai que tu fais. Alors, ça, je trouve ça super intéressant. Puis c'est un beau vidéo à regarder avec un jeu classique. Très bonne. On y va avec un autre Uno. Un classique. Oui. Mais là, Uno, on sorti une gamme de Uno spéciale. Oui, il est comme femme. Oui, il est Juno. C'est exactement ça. Ouais. C'est un coton Aijo. Non, OK. OK. Le lutin reprend le dessus comme une fois par 5 minutes. On aime ça. On aime ça. Dans le fond, Le Uno, ils ont sorti Harry Potter, qui est vraiment qui est le fun parce qu'il y a des pouvoirs. Tu peux avoir la carte d'invisibilité, mm-hmm. tout ça. Et, Invisibilité. Voilà. Ouais. Et le vif d'or, des choses comme ça. Mm-hmm. Donc, ils ont apporté les trolls. Ça fait que les cartes sont adaptées. Les trolls. Oui, il y a des trolls dans Harry Potter. Ok, pas le film des trolls. Mais on s'en vient au film des trolls, ça sera pas long. Et ils ont mis une baguette, tu sais, ou comme une baguette dans son nez, alors tout ça est remis là. Dans le premier d'ailleurs. Dans le premier, voilà. Ouais. Et c'est ça. Donc, ils ont tout ça. Ils ont Mario Bros. Ils ont Bob l'éponge. Ils ont Star Wars. Ils ont Star Trek aussi. Ils en ont plein. Ils en ont fait une grande gamme, mais le jeu reste le même, par exemple. C'est ça que je trouve un peu savant. Il y a quelques petits pouvoirs qui sont ajoutés, mais le jeu reste le même. C'est quand même intéressant à regarder si vous aimez le Uno. Ouais, ça joue bien, ce Uno. Ouais, Uno, ça joue bien. Moi, je dis toujours que c'est un jeu d'aéroport. Ah, ouais. C'est vrai. C'est pas fou. La partie finit vite. Ouais. Ouais. C'est comme, on prend notre vol, ok, ça va. On ramasse, on s'en va. J'aime ça. L'autre jeu, on s'en va, il en reste deux jeux que je vais présenter aujourd'hui. Des classiques. Ne se démoderont jamais. Ils se démoderont parce qu'ils réussissent à l'adapter. Et c'est Risque. Oh, est-ce que ça, c'est compliqué? Ça me touche moins, ce Risque, c'est trop pour moi. Mais il y a plein de façons d'y jouer. Je pourrais peut-être un jour s'asseoir avec vous puis en présenter une très facile à jouer. Mm-hmm. Et là, ils ont un Risque avant la guerre mondiale. Oui. Ils ont un Risque après la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, dans le futur. Il y a un Risque dans le futur. Et là, ils ont sorti une gamme de produits dérivés de Risque. Doctor Who. Ben là, ça fait quelques années déjà là, qu'il y a d'entre eux, mais là, ils sont vraiment plus disponibles. Doctor Who, Seigneur des Anneaux, Star Trek. Il y en a un autre qui m'échappe, qui sont des risques super intéressants avec des pouvoirs et une thématique liée. C'est toujours dans le monde, c'est toujours le même jeu, mais mettons, dans Risque sans anneau, tu dois aller chercher l'anneau. Oui. Ah, OK. Donc, tu sais, quand tu passais de la Terre, blablabla. C'est pas juste changer la carte de nom pour mettre des personnages différents. Faut que tu adaptes l'histoire. Et le jeu est vraiment adapté, mais le concept de base reste tout de même le même, là. Mm-hmm. C'est ça. Donc, c'est quand même intéressant avec Doctor Who. Il y a l'évolution des docteurs. Et c'est ça. Il y a aussi. Attendez, je vais le trouver. Le trône de fer. Voilà. Trône de fer. Ah, oui, ben Game oui. of Thrones. Ben oui. Voilà. Et le dragon. Voilà. Et là, voilà. Faut que tu ramasses le trône avec plus de territoire. Ben oui. Donc, Risque, c'est vraiment bien adapté. Et c'est un jeu qui est quand même assez facile à jouer quand on peut aussi nous adapter les règlements. C'est ça qui est le fun parce que tu peux vraiment faire ce que tu veux avec. T'es pas obligé de suivre les règles. Ben, je te conseille un petit peu de suivre quand même les règles. Mais c'est sûr que tu peux y aller progressivement avec les enfants et tout ça. Mm-hmm. Et le dernier jeu que je vous présente, et là, vous allez dire, ah ouais, c'est Trouble. Ah ouais. Trouble. Est-ce que vous savez c'est quoi? Oui. Non. C'est le jeu que tu tapes au milieu, là, la petite. Tu sais que tu tapes là, sur le D qui est enfermé Ça s'appelait dans le tas, ça s'appelait pas non, Trouble. Non, c'était pas Trouble. Il y avait un autre nom pour ça, je me rappelle pas. C'est comme t'as plein de pions là, qui peuvent... Frustration? Non, ça ressemblait pas à Buggle, genre? Non. C'est Trouble? Non. Je le cherche. Ça faisait ça, là. Sorry. Non, sorry, c'est avec les pions qu'on tourne en rond. T'as raison. Pourquoi quand je tape Trouble, ça me donne ça? Je sais pas. Mais en tout cas, ce jeu-là... Ouais. Mm-hmm. Ils ont sorti des jeux pour les enfants. Ça s'appelait Trouble, j'imagine. Mais je sais qu'il y a eu un autre nom. Oui. Je sais pas si c'était au Canada, par contre. Mais voilà, tu es sur la bonne page, Tania. Oui, OK. Attends, je veux juste voir s'il y avait pas l'autre nom. Mais ils ont sorti un troll de ce jeu-là. Ah, ouais. Ils ont sorti un Star Wars. Mais le jeu est le même. Mm-hmm. Des minions. Ouais, il est mignon, mais c'est juste que les pions sont différents. Ouais. Dans le fond, le jeu, c'est ça. Ils ont pas adapté celui-là. Ils ont un Reine des Neiges. Ah, Frustration, t'as raison. Au Royaume-Uni, ça s'appelle Frustration. Et ça s'appelle Kimball en Finlande. Donc, on avait raison, toute la gang. Trouble, Frustration, Kimball. Et voilà. C'était le fun de jouer à ça. Ça faisait. Oui. Ouais. Hey, tu l'as bien, le son. Mais. Refais ça. C'est incroyable. Ouais, on l'a pas en studio, faut le préciser. C'est ça. C'est pas genre je le fais à chaque fois. Je clique dessus. Tu vois que je vais faire ça, tu vas faire ça. Okay. Et j'aimerais ça pour ceux qui jouent, ajouter une règle pour vous. OK. Et attention. Et c'est une règle qu'il y a dans une version que j'ai de 1970 peut-être, plus vieille. OK. Lorsque tu tapais 3-6 consécutifs. Okay. Donc, ouais. Lorsque tu tapes 6, tu joues et c'est encore à toi. Ouais. Normalement. Ça, c'est le concept du jeu. Si tu tapes et ça fait 3-6 consécutifs, tous tes pions, même ceux à la base, même ceux rentrés, mm-hmm. reviennent à la base. Ah. Oh. Et là, ça complexifie le jeu. Et là, tu te dis, ça arrive jamais. C'est tout le temps le cas. C'est le bord de gagner, ça te prend absolument un, puis là, tu tapes 8 fois. Finalement, tu pognes 6, tu peux pas rentrer, puis t'attends. 6, tu peux pas rentrer, t'attends. 6, tu ramènes tout le pied à la base et c'est toujours le cas parce que c'est long. C'est quoi ton son, t'as fait? Fais donc un bruit en même temps. T'as fait des... Non. OK, non. Le faire une toune, les gens suivent pas. Non, OK, moi, j'embarque pas dans cette histoire. Donc, c'est ça, c'est quatre petits jeux qui sont classiques, qui se jouent bien. Oui, boy, le lutin, le français. Qui se jouent bien en famille et qui se démodent pas parce qu'ils sortent plein de versions. C'est le fun parce que d'habitude, tu nous faisais découvrir des jeux de société qu'on connaissait pas. Là, c'est des jeux de société qu'on connaît, mais des versions qu'on connaît pas. Et voilà. C'est très varié, j'adore ça. Talia aussi, je suis sûr. OK, oui. Bon, merci. Fait plaisir. Je vous souhaite un bon été. Oui, toi aussi. Puis j'espère qu'on aura la chance de se revoir. Ouais, tu t'en vas en vacances quelque part? Non, on recommence là, toute la production là, de Bonbon. Ah, j'avoue, nous. Ouais. Puis on est des jours quasiment à 8 mois. Oui, des magasins, je pense que les décorations de Noël sont déjà sorties. Écoute, on est sur le bord de recommencer tout ça. C'est ça. Merci, Alpha Lulten. Bonne fin de journée. On termine sur un petit ah, puis un petit pour passer la chanson. OK. Go, go. OK. Vous êtes pas sur le beat, pardon. On écoute Olinéa, voici la somme à son âge requis. Dis-moi, dis-moi quand. Olivia est la somme. 1 plus 1 égale, cette tournée t'abonne pas mal. Oh, que oui. Au retour de la pause, Tania is gonna entertain you. De quoi tu nous parles tantôt? Oh, d'une compagnie. Oh! Mathieu? Wow! J'aime tes indices, ils sont tellement flous! Je sais. J'aime ça. semer le doute. Oui. Écoutez Assemblage Requis en ce mercredi 26 avril 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Toujours avec notre ami Alfalfa le lutin, mais qui, s'il y a trois heures, il va le dire. Oui, c'est ça. Rien. That's it. C'est ça. Sinon, il... Hey, les amis, sur YouTube, quand on n'est pas connecté sur YouTube, des fois, il y a des affaires qui apparaissent. Oui, c'est un peu bizarre, ouais, c'est ça. Et là, c'est l'ordinateur du studio. Fait que c'est des choses que je suis pas habitué de voir, comme par exemple, je sais pas, Crazy Licks avec Wild Child. Je connais pas ça. T'sais. OK. T'as Unthreal avec Chains of the Past, sûrement les émissions de métal. T'as une heure de Dark Country, Southern Gothic, Western Rock. Oh boy! Ce qui m'intrigue comme un petit peu, je pense qu'on devrait au moins en écouter un extrait de ce Dark Country. Hear what you're thinking, all your doubts and fear. And so? On dirait que ça place ça en mots. In my eyes, in time, you'll find the reason I'm here. And in time, all things shall pass away. In time, bon, on a compris le principe, mais un qui est encore plus intriguant que ça pour moi, c'est tantôt on a fait un gag de Cotton Eye Joe à cause de oui, Uno. Exact. Bon, donc, sur la page d'accueil de YouTube en ce moment, alors que je suis pas connecté, t'as ceci. Attention, ça devrait être bon. C'est Cotton Eye Joe cover metal par Leo Moraccioli. Juste pour le fun. Chante-nous ça, chante-nous ça. Been off in Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Been off in Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. Mais c'est pas mauvais. Ben non. Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Si c'était pas que c'était Cotton Eye Joe, je le laisserais jouer au contraire. Oh! J'aille pas ça. Je pense que le gars qui s'est rendu en finale de la voix avec du métal devrait faire cette réadaptation à la télé dimanche. Demi-finale. On m'informe que ce sont les demi-finales seulement. On a un fan de la voix chez Alfalfa le lutin. Mais c'est parce que moi je trouve ça un peu le fun de regarder à quel point le monde peut penser qu'ils vont faire une carrière avec un contrat avec TVA. Ben, si tu regardes la carrière de Marimé, c'est pas mal ça. Oui, mais elle a fait sa carrière pas dans les 5 premières années de contrat avec TVA. C'est suite. Oui, ah, oui, je suis d'accord. C'est pas comme dans les 5 années où t'es obligé de t'appeler TVA puis que tu coûtes 4 000$ pour aller faire un show dans une offre bénéfice. C'est ça. Je suis d'accord, je suis vraiment d'accord. C'est les années après quand tu deviens vraiment autre chose, comme mettons Brigitte Boisjoli, là, c'est après. C'est tout ces actifs-là. Il y en a que je savais même pas qui était dans la voix ou dans Star Academy. Je savais pas ça, Brigitte Boisjoli. Genre Olivier Dion, ça a pris du temps avant qu'il puisse s'en aller en Europe. Je sais pas c'est qui, Olivier Dion. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Oh boy, Mathieu. Ben ouais, mais là. Mais moi, ce que j'ai trouvé super drôle, c'est que nous, on a toutes les émissions, puis on choisit ce qu'on aime. Puis là, au Pôle Nord encore. Ouais, ouais, et clairement. La musique, tu sais, c'est super important pour nous parce que c'est ça qui fait que nos journées sont moins plates. Oui, il faut passer le temps. Et on a réalisé, à force d'écouter des chansons, que ça met la première saison de Star Academy, qu'il y a du monde qui sont sortis. Ouais. Qui ont une carrière en ce moment. Wilfred. Mm-hmm. Wilfred, Marie-Hélène. Tibet. Ouais, le L. Ouais. Puis après ça, il y a Maritza qu'on a quand même joué assez fou pendant un bout de temps l'été passé. Maritza qui était en saison 1 de Star Academy. Ouais, saison 1. Saison 1. Ouais. Mais bon. Sinon, il y a récemment Boisjoli. Pas mal tout. Puis je. Jean-Marc Couture, mais il fait-tu quelque chose? Ben, il a sorti avec le, Laurie Doucet. OK, là, je vais devoir... Si on est pas embarqué dans les potins, je vais devoir vous arrêter. On parlera pas de potins, Star Academy. Non. Et on n'écoutera pas plus longtemps du Cotton Eye Joe. Parce que c'est ça qui est en trame. C'est ça qui est en arrière, Cotton Eye Joe version métal. Il reste environ une minute à la chanson. Laissons-la jouer. Après ça, Tania is gonna entertain ya. Oui, pas de problème. Ah, ils vont sûrement jaser à la fin. Bref, Cotton Eye Joe, cover metal, parlé au Moraccioli. Ce qui est le fun, c'est qu'on l'a joué moins d'une minute au complet, fait que ça compte pas. Ah. Ça compte pas dans notre émission, c'est comme si on l'avait pas joué. Maintenant, c'est le moment de parler avec Tania de oui. Compagnie. Ah, tu vas voir! C'est ça. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna entertain ya! Pour la chronique aujourd'hui, on a gardé. En fait, on n'a pas gardé, on a changé de chroniqueur sur la chaise parce qu'on a beaucoup de chaises dans le studio puis les gens peuvent. Il y a un nombre limité de places assises, donc on a dû renvoyer à l'Alpha Lutin et on accueille Xavier Mekliche. Salut Xavier. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien, Un petit chronique sur la mode tantôt? Oh, bon. Sur les choses. Quoi la passer, qu'on a pas fait? Non, mais c'est pas quoi une passer, c'est juste non. À la c'est non. Juste non. C'est juste ça, c'est non. Bon. Mais pour l'instant, c'est Tania. Tu nous parles de compagnie. Qu'est-ce que ça veut dire, Tania? Bien oui, en fait, je vais vous parler d'une compagnie en particulier. Si vous êtes un homme et que vous avez soit une mère, une sœur ou encore une blonde ou une amie de fille, clairement, vous savez de quelle compagnie je vais vous parler. Deux dans cette situation-là. Oui, mais tu n'as pas le droit, là, parce que tu viens de regarder ce moment-là. Non, je sais pas. J'hésite entre David City, ouais. Bad and Body Works, moi, j'allais dire puis Simons. La Senza. Ah, Simons. Okay. Ben, t'es dans le champ, Mathieu, je suis désolée. Ah. Mais t'es pas loin avec Bath & Body Works parce que je vais vous parler de la compagnie Lush. Oh. Clairement, tout le monde sait c'est quoi la fameuse compagnie de bombes de bain et de produits est-ce, cosmétiques. Est-ce que je peux être... Soit frère, c'est ça, pas tout, c'est ça quoi? Ça pue en maudit, Lush, non? Quand, ça, c'est pas partout, avant quoi? Que j'aille une copine... Tu savais pas j'étais ça. Sûr que Lush, c'était comme les produits anti-moustiques, là. Je vais me mettre du Lush. Ouais, je vais me mettre du Lush. Non, mais genre, tu sais, puis leur logo est comme un peu style anti-moustique orange et vert. Ouais, jaune et vert, là. Donc, quand tu passais devant le magasin, ça empestait vraiment. Fait que tu disais que les bébites allaient pas passer. Non, mais sérieusement, ouais. Ça sent donc bien la citronnelle. C'est ça. C'est vrai? Non, ça sent vraiment la citronnelle dans ce magasin. Mais il faut que tu rentres dans le magasin pour pas que ça sente aussi prononcé, je vous le jure. Mais là, il y en avait un ici au centre Les Rivières avant, puis c'est comme un peu ça qui est arrivé. C'est que les gens se plaignaient tout le temps de l'odeur, donc ils ont fermé le Lush. Quand tu dis qu'entre deux parfums, t'es supposé sentir du café, là. Mm-hmm. Il aurait dû mettre genre une marée de café. Mais il y en a plein, en fait. C'est, si vous rentrez dans le magasin, c'est mais ça qui arrive. À l'extérieur, c'est parce que t'as deux, trois vanoutes. Juste. Ah! Exactement. Des alligators et des vanoutes devant le magasin, ce serait parfait. Donc, voulez-vous que je vous en parle ou je vous en parle non, pas? Non, c'est ça. OK, c'est ça, je me demandais. Donc, en fait, je vais vous parler pourquoi c'est devenu si populaire. Parce que si vous avez Instagram ou même Facebook, c'est sûr que vous avez une personne en particulier dans vos réseaux sociaux qui se fait un malin plaisir de toujours filmer, genre le fait qu'elle met une bombe de bain dans son bain puis comment est-ce qu'elle se défait entièrement. On n'a pas les mêmes amis. Hein. Mais c'est ces personnes-là que je désabonne. Tu sais, je suis amie. J'ai plus de notification. Mais c'est sûr que si vous êtes des gars, peut-être que ça vous arrive moins. Mais attention, parce que je vous ai pas oublié, messieurs, Lush a quand même des produits pour hommes et je vais vous en parler tout à l'heure. Okay. C'est pas eux qui font de la barbe, vous avez la même? Hein? Ils font pas des produits pour la barbe? Mais c'est sûr que c'est des produits cosmétiques, fait que ça doit pas faire des vêtements. Ce que j'ai vraiment besoin à 12 ans. Oui, clairement. Donc, en fait, pourquoi est-ce que c'est devenu si populaire? Bien, les produits Lush, on le sait, sont mis en scène, sont photographiés comme si c'était des véritables stars présentement un petit peu partout sur Internet. Comme je vous le disais, c'est sûr et certain que vous avez déjà croisé une vidéo à un moment donné de quelqu'un ou une compagnie quelconque qui a décidé de lancer une bombe de bain dans le bain, puis vous avez passé comme 30 secondes à regarder ça éclabousser. Est-ce qu'il y a des bombes dans le bain et des produits pour la barbe, là, ça fait terroriste en maudit? Mon Dieu, Mathieu. Donc, c'est impossible, en fait, d'être passé à côté d'une des fameuses vidéos de ce genre-là. Et c'est un produit qui a été lancé en 2005, mais c'est grâce à la vidéo réaliste, justement, qu'elle a rencontré un vif succès sur Internet parce que les gens se sont mis à plus en plus mettre ça sur leur compte Instagram, leur compte Facebook, leur compte Twitter et tout ça, et aussi sur Pinterest. Une autre des raisons pour lesquelles c'est devenu si populaire, bien, c'est parce que les consommateurs sont de plus en plus adeptes des fameux produits cosmétiques naturels. Ouais. Et ça, on le sait, Lush, c'est reconnu pour ça. C'est un fait. Donc, les consommateurs sont quand même friands de produits naturels, notamment les cosmétiques de plus en plus. Tu sais, tout ce qu'on va se mettre sur la peau, tout ce qu'on va se mettre dans le visage. Bien, les filles et les femmes ont comme une tendance à vouloir aller justement de plus en plus vers le naturel, ouais. S'assurer qu'il n'y a pas de tests sur les animaux et tout ça. Et c'est quelque chose que Lush fait depuis des années. On s'en cache pas. On dit que c'est entièrement naturel. On dit qu'on n'a aucun test sur les animaux aussi. Donc, c'est sûr, à un certain point, ça vient chercher la clientèle cible. Et Lush se positionne vraiment en maître en termes de cosmétiques grâce aux matières premières qui sont utilisées dans les formulations. Donc, par exemple, les bâtons de cannelle, les zestes d'orange, la lavande et tout ça, les huiles essentielles. Et ça signifie pas, par contre, que les produits contiennent pas de produits chimiques. Il faut faire attention. Si vous voulez vraiment avoir aucun produit chimique, bien, c'est sûr que vous devez vous renseigner à ce moment-là, parce qu'il y a seulement 75 % de la gamme qui est totalement exemptée des fameux produits chimiques et aussi des produits conservateurs qui fait en sorte qu'on peut conserver justement ce produit-là pendant un certain temps. Mais ça reste quand même qu'il y a une limite fixée, il y a une date limite à chaque produit Lush que vous allez acheter, par exemple. Il va y avoir une date de péremption sur le produit parce que justement, on veut que ce soit le plus naturel possible. C'est sûr qu'à un certain point, si tu mets de l'huile essentielle avec, je sais pas moi, un produit chimique en quelque sorte qui va faire en sorte que ça va pétiller dans ton bain, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est plus tant naturel, ouais. Sauf qu'il y a quand même une date de péremption parce que ton huile est naturelle et tout ça. Donc, c'est sûr que de bien s'informer, c'est quelque chose qui est essentiel. Ouais. Une des autres raisons pourquoi on en entend tant parler, c'est qu'on est véritablement éco-responsable. Lush s'en cache pas. Il y a beaucoup de marques qui sont écolos, il y a beaucoup de marques qui se disent écolos, qu'ils sont pas totalement, et 100% des emballages sont recyclables, compostables, biodégradables, et ça vient chercher de plus en plus la jeunesse d'aujourd'hui, je te dirais, tu sais, on parle souvent des milléniaux et tout ça, mais la tranche d'âge, par exemple 18-35 ans, là, on va vraiment jusqu'à plus loin dans les âges pour les produits Lush, parce que justement, ce sont des produits qui, en temps normal, tu vas utiliser dans le bain, dans la douche, chez vous. C'est pas, par exemple, un produit de beauté où tu te dis qu'il est rendu à 45 ans, t'en veux plus. Mm-hmm. C'est quelque chose que tu vas utiliser tout le temps. Ce sont des produits pour te laver. Donc, en théorie, tu veux que ça soit éco-responsable. Tu veux aussi peut-être même un peu te sentir conscientisé par la cause. Et ça va faire en sorte que tu vas aller chez Lush plus souvent. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est si populaire. Il y a aussi de vraies personnes qui élaborent les produits de beauté Lush. Donc, quand on dit que les produits de beauté Lush et les produits cosmétiques sont faits à la main, bien, c'est vrai. Et c'est ce qu'on adore chez la marque Lush, bien souvent lorsqu'on est consommateur assez agréé, merci, des produits, c'est que ce sont les petits autocollants qui vont représenter le portrait de la personne qui se trouve derrière le produit qu'on vient d'acheter. Donc, vous allez même avoir son surnom de la compagnie, la date à laquelle le produit a été fait, la date de péremption, évidemment, et vous allez avoir son dessin parce que chaque employé de chez Lush a leur dessin qui représente leur propre personnalité et ça permet aussi de rappeler que les produits sont faits à la main justement par une personne et non pas par une machine comme des produits qu'on pourrait retrouver en grande surface par exemple. Et c'est pour ça aussi qu'on se sent un petit peu plus proche de la marque et que ça ne dérange pas tant de payer un petit peu plus cher pour ces fameux produits Lush-là parce que tu te dis, bon, c'est éco-responsable, c'est fait à la main et clairement c'est fait à la main parce que je le vois, le petit monsieur qui l'a fait, ma bombe, sur mon sac. Et Lush, bien évidemment, ça capitalise sur les tendances. C'est pourquoi on voit Lush partout sur les réseaux sociaux depuis quelques années maintenant. C'est sûr qu'avec les YouTubers et tout ça, les gens qui font carrière sur Internet, eh bien, on le voit de plus en plus. C'est comme une culture pop qui découle de tout ça. C'est sûr que quand on entend tellement parler de Lush dans des vidéos, dans des articles, dans des photos, Puis, veux, veux pas, on va être attiré à aller se poser quelques questions sur Internet, à faire quelques recherches à qu'est-ce que ça devient, qu'est-ce que ça peut devenir aussi, c'est quoi les bons côtés, les moins bons côtés d'utiliser Lush. Moi, je vous dirais que si vous avez une peau extrêmement sensible à tout ce qui est odeur ou tout ce qui est fragrance, bien, faites attention parce qu'évidemment, Lush, ça mise là-dessus. Ça mise sur les fragrances et les tendances qui vont être très, très fortes, qui vont vous amener un bienfait. Par contre, si vous avez une peau tendance à pouvoir faire des réactions à un savon Dove, bien, je vous dirais, faites attention. Tu sais, ouais. Assurez-vous que vous n'allez pas avoir une grosse réaction parce qu'il y a certaines personnes... Testez-le sur votre animal de compagnie, n'est-ce pas? Oui, eux le font pas, faites-le chez vous. Non, mais c'est sûr que ça peut amener des réactions, par exemple, cutanées, parce qu'il va y avoir des produits qui sont tellement naturels que vous n'êtes pas nécessairement habitué d'avoir dans vos soins, tout simplement, ouais, que ça va faire réagir votre corps. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Il y a aussi les gens qui peuvent être très, très sensibles à tout ce qui est... teinture, ouais, couleur, mm-hmm, et tout ça, les fameuses bombes de bain. Mais sachez-le, à un certain moment, si vous avez justement une petite peau sensible, bien, ça peut laisser des couleurs sur votre peau, là. C'est vraiment pas pour nous autres, finalement. Toi et moi, on est super sensibles. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que Xavier aussi. Ben, moi, personnellement, il y a deux moments dans la vie où je prends un bain. Ben, c'est ça, c'est... Ouais. Il y a deux circonstances dans lesquelles je prends un bain. On veut les savoir. OK, vous voulez savoir? Ouais. Quand je reviens d'une fin de semaine où je suis allé faire une fête dans le bois, mettons, je suis parti en survie dans le bois, puis que j'ai de la terre jusqu'au genou, ouais, mm-hmm, dans les ongles, dans la face, où tu sais que t'es en... Tu sais, comme t'es crasse, ouais, solide. Ouais, ouais, ouais. Puis, moi, il y a un autre moment où, dans la vie, j'ai la misère avec la fameuse... Tu sais, quand tu dis on dit aux enfants pour qu'il n'y ait pas de sang dans leurs orteils, mm-hmm, qu'il y ait de sang du haut du piano avec ses orteils, ouais, bon. Moi, je viens comme ça de mon corps. Je pense que je suis allergique au froid. Mais non, pour vrai, tu sais, je viens... L'hiver. Ouais, ouais, l'hiver. Mais quand j'ai passé une journée, mettons, au village, chacun dans le quartier où il n'y a rien que je peux faire d'autre, mm-hmm, qu'être assis dans une trip puis attendre. Tu sais, c'est le fun, mais mon corps, il bouge pas. Ouais. Là, ça me prend un bain pour faire comme... C'est les deux seuls moments où je prends un bain. Ah, wow, c'est pas fou. Fait que pas de relation sexuelle dans le bain. Mais tu vois, à certains moments, je vais pas utiliser les bombes de bain Lush parce que justement, ma peau est trop sensible à ce genre de réaction-là et surtout les couleurs qu'on va retrouver dans les bombes de bain. Mais souvent, ça va être des couleurs qui vont être naturelles. Ouais. Ça va être fait à base de plantes écrasées ou quoi que ce soit, mis en poudre et tout ça. Mais c'est tellement fort comme couleur que moi, je vais avoir une réaction. Donc, je vais plutôt dans les soins qui vont être, par exemple, pour les cheveux. Les gels de douche, ce sont des choses que vous pouvez retrouver si vous êtes plutôt sensible de la peau. Et c'est un petit peu pourquoi je veux vous donner quelques idées par rapport à l'histoire de Lush. Parce que Lush, à la base, ça a été créé par deux personnes, c'est-à-dire Marc Constantine, qui est un tricologue reconnu dans le début des années 70. Qu'est-ce que fait un tricologue? Bien, un tricologue, c'est quelqu'un qui étudie la santé des cheveux et du cuir chevelu. Ah. Donc, en se concentrant là-dessus, il s'est associé avec Lise Ware, qui, elle, était une esthéticienne, qui ont décidé de se rencontrer. En fait, ils se sont rencontrés dans un salon de beauté en Angleterre et quelques années plus tard, ils ont décidé de s'établir à leur propre compte en vendant des produits de beauté naturels pour les cheveux et la peau. Donc, à la base, Lush, c'est vraiment pour se laver. Par la suite, les bombes de bain sont venues s'installer, ouais, parce qu'on en a vu la popularité auprès des jeunes femmes qui prenaient leur bain la plupart du temps. Et au début des années 80, bien, ils ont décidé, à la suite d'entendre Kenita Roddy, qui venait juste de lancer The Body Shop. Tantôt, tu me parlais de Bath & Body Works. Mm-hmm. Ça vient dans les mêmes gammes que The Body Shop. Eh bien, on a décidé justement, dans le même état d'esprit, de se lancer dans les produits qui ont une valeur différente. Donc, élargir notre concept de simplement des shampoings. Exactement. Un petit peu plus pour le divertissement. Tu sais, quand tu mets une bombe de bain dans ton bain, là, on s'entend qu'à part hydrater, là, est bleu, là, c'est ouais, correct. C'est, là, pour le fun. C'est ça, c'est pas mal plus pour le divertissement qui va être à l'extérieur de dire que tu peux joindre l'utile à l'agréable. Exact. Et à la base, Lush a été créé pour changer, pour devenir une alternative au bubble bath. Ah oui, le bain moussant. Exactement, le bain moussant, parce qu'il y a beaucoup de bains moussants au début des années 80 qui étaient très, très, très agressifs et qui avaient des produits très chimique. Mm-hmm. Ce qui faisait que tu sortais du bain, par exemple, et tu avais automatiquement une éruption cutanée. Ça te piquait partout, mais ça, ça te piquait partout, exactement. Utile, ça, le bain c'était zéro utile. Donc, ils se sont basés sur ça pour justement pouvoir créer des choses qui vont être hydratants, qui vont faire des bulles parfois à un certain moment, mais pour les peaux beaucoup plus sensibles. Mmh. Et c'est sûr que si vous allez, par exemple, dans un Lush, vous dites à la personne qui va être dans le magasin Lush, écoute, j'ai une peau extrêmement sensible, bien, elle va vous amener vers des gammes de bombes de bain qui vont sembler beaucoup plus naturelles dans les couleurs, par exemple, de beige, dans les couleurs de blanc. Ouais, pas trop de parfum, pas trop de couleurs. Pas trop de parfum, pas trop de couleurs pour justement que votre peau n'ait pas une réaction que vous allez vouloir justement sous Lush, là. Genre pouvoir poursuivre Lush. J'ai quelques faits en vrac, ouais, comme ça pour vous par rapport à la compagnie Lush. Bien, la première, c'est que justement, ça a été créé en tant qu'alternative au bain moussant pour les peaux sensibles. Par la suite, la bombe Blackberry, qui est une des premières bombes qu'on a créées, c'est un produit qui est toujours fait aujourd'hui. Ça l'a vraiment resté parce que les gens en ont redemandé. Le classique. Le fameux classique, c'est une bombe mauve et votre bain va devenir mauve. Ouais. C'est extrêmement hydratant parce qu'il y a beaucoup d'huile essentielle dedans et il y a beaucoup d'huile de lavande et tout ça. Donc, si vous n'aimez pas nécessairement cette odeur-là, je vous dirais de ne pas l'essayer. Mais encore aujourd'hui, c'est une des bombes de bain qui est la plus produite par Lush et c'est la première qui est sortie dans leur gamme de bombes de bain. Par la suite, en 2016, combien est-ce que vous pensez que Lush a fait de produits? De produits différents. Pas différents, ouais, OK. Vendu. Combien est-ce qu'on a produit de bombes de bain? Juste les bombes de bain. Ben, 1,5 million. En termes de millions, moi, je dirais peut-être 2 millions. Eh bien, les deux, vous êtes vraiment loin. On parle de 21 millions wow. de bombes de bain. Mais sont dans combien de pays? On est dans 70 pays. On est, tu es oui, actionnaire. Non, mais on est dans 70 pays différents et il y a au-dessus de 750 boutiques partout dans le monde pour les produits Lush. Ça inclut aussi au-dessus de 1 million de produits qui sont dérivés là, des bombes de bain. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais des shampoings. De non, mais je vous parlais des shampoings. La grenade. Je vous parlais des revitalisants, par exemple. Bien, ce sont tous des produits qui vont être, en théorie, dérivés. Mmh. On parle d'au-dessus d'un million en production juste pour l'année 2016. Chaque employé peut concevoir jusqu'à 700 bombes de bain par jour. Wow! Et c'est pas de l'esclavage, là. Ça se fait extrêmement rapidement, ouais, là. Mais tout ce que je vois quand du monde font des bombes de bain, c'est qu'ils ont un casque, ils sont habillés en militaire. Puis ils ont un pot de poterie, là, tu sais, l'affaire qui tourne, là. Même pas! Patrick Swayze derrière eux. En fait, je pense que... Le gars qui marche au pas. Je vais vous inviter, les gars, à aller voir une vidéo sur YouTube. C'est vraiment, les gens, ils peuvent visiter la fabrique à Vancouver de bombes de bain. Et c'est de la poudre. Ce sont des grands bacs de poudre. Et t'as un moule, en fait. Tu remplis le moule de poudre, tu le façonnes et ça va faire en sorte que tu vas avoir une bombe de bain. Ça aide dans son image de oui, c'est ça. De bombe de bain. Il y a aussi... On a des grands bacs de poudre. on prend la poudre. J'étais comme... ça va où? Ça va où? Contrebande de savon. Franchement. Wow. Il y a aussi, chez Lush, il y a beaucoup de produits qui vont avoir des brillants à l'intérieur. Ouais, ce qu'on appelle du glitter. Bien, chaque ça, c'est bombe... Bon oui, hein, je sais. Ça en met partout. Chaque... Écoute, j'ai des paillettes d'un cheveu, je n'ai pour 10 ans dans ton bain. Chaque produit qui a des paillettes est confectionné dans une chambre à paillettes. Wow, on l'appelle la chambre à paillettes. Oui, c'est ça. Non, en fait, on l'appelle the glitter room parce qu'on a justement créé une chambre séparée de toutes les autres pour pas qu'il y ait de paillettes qui s'en vont sur les autres bombes qui sont pas censées ou les autres produits qui sont c'est pas censés avoir de paillettes. Oui, ben exactement. Pareil. Et à chaque fois qu'on va décider de créer un produit avec paillettes dans cette fameuse chambre-là, il y a seulement ce produit-là qui va être fait pendant toute la journée. Parce qu'il est plus cher, parce qu'il a été exclusivement produit dans une mais pièce à part. Mais non, parce que les ingrédients vont pas être les mêmes pour chaque produit qui va avoir des paillettes. Donc, on veut pas que les paillettes qui sont utilisées, par exemple, dans une des bombes, se ramassent dans un produit qui est censé avoir une autre paillette différente, par exemple. Parce que souvent, dans les paillettes, on va retrouver de l'huile essentielle aussi et tout ça. Donc, ça va créer une formule différente pour le produit que vous voulez aller chercher. Et un autre fait qui est quand même assez le fun à savoir, c'est que tous les produits Lush, si vous y allez pendant, par exemple, le temps de la fête des mères, parce que ça s'en vient, eh bien, ça va être des produits limités. Donc, l'année prochaine, à moins qu'il y ait une super grande demande pour qu'il y ait un des produits qui revienne, eh bien, à chaque saison, les produits vont être limités. Donc, à Noël, ça se peut que vous retrouviez, par exemple, une bombe de bain qui va sentir la cannelle, qui va crépiter dans votre bain lorsque vous allez la laisser. Mais l'année d'après, vous n'allez pas nécessairement l'avoir. C'est vraiment qu'on a voulu évoluer encore une fois. Et toutes les bombes de bain, de façon limitée, sont faites en fonction des traditions mondiales pendant ces fameuses fêtes-là. Donc, si, par exemple, je sais pas moi, au Japon, ils ont une tradition bien à eux pendant le temps des fêtes, eh bien, ça se peut qu'ici, au Canada, on se retrouve avec une bombe de bain qui va s'appeler, par exemple, Japan Christmas, Noël japonais, et ça va être ça par rapport... Ça sent le chien cuit. Ah, franchement. Les grillons. Oh. Ça se pourrait, tu sais, ça va être dépendant de ce qu'on retrouve dans cette fameuse tradition japonaise-là qui va se retrouver pour une édition limitée. Et tout à l'heure, je vous parlais, messieurs, en terminant, qu'il y a des produits pour hommes chez Lush. Donc, sentez-vous pas malaisé si votre blonde vous dit « Hey, viens avec moi chez Lush, ça serait tellement fun, on va sentir des bombes de bain puis du savon pendant 3h30 en se les faisant tester sa peau par les madames qui travaillent là. » Mais bien, vous pouvez tester les produits pour hommes, messieurs, si vous y allez. Tout à l'heure, Xavier, tu parlais de produits pour la barbe. Oui, c'est quelque chose qu'ils vont avoir. Ah, yes, il m'en manque tellement. Exactement. Mais vous allez aussi avoir, par exemple, du nettoyant. Vous allez, pour la barbe, vous allez aussi avoir, par exemple, de la cire pour moustache, messieurs, si jamais vous avez des moustaches. Ben, un autre produit super utile. Exact. De l'après-rasage. Un autre produit super utile pour moi. Ben, Xavier, il a 12 ans, fait que, tu sais, il n'y a pas de barbe. Là, il y a un poil, il coupe au coupon. Exactement. Vous allez avoir... Je l'arrache. Je prends un pincil. Puis... C'est ça. Souvent, les gars, vous allez préférer des savons en barre au lieu des savons gel dans la douche. Ah non, je préfère vraiment gel, Ouais. Bien, vous allez trouver les alternatives chez Lush avec des produits naturels. Si vous êtes du genre à préférer un pain de savon, là, vous allez trouver ça pour les hommes. Vous allez aussi trouver les gels. Donc, vous en avez pour vous aussi. Faites-vous plaisir une fois de temps en temps. Allez chez Lush avec votre blonde. Ah oui, hein. Oui, j'ai tellement de temps cette session. On parlait tantôt, on avait mentionné David Stee en essayant de deviner de quoi tu allais parler aujourd'hui. Oui. Pourquoi est-ce que David Stee a pas inventé des bombes de tasse? Ce serait comme du thé dans une bombe qui vient pétiller dans ta tasse. Faudrait peut-être que tu écrives à David Stee. C'est pas pire, ça? Ça serait fou comme mais idée. Mais ça serait un peu spécial parce que finalement, tu finis tout mouillé avec de l'eau chaude. Mais t'es propre et très hydraté. T'es propre, t'es très hydraté, mais t'es plein de petites brûlures au deuxième degré. T'es juste plein de petites cloques. Ben, c'est drôle, hein, parce qu'il y a une popularité chez David Stee, bien évidemment, par rapport au thé. Mais si vous regardez chez Lush, parfois, on va utiliser les bienfaits de ces thés-là pour les intégrer dans les produits. Bon. Donc, il y a un lien, il y a un lien. Il faudrait juste agencer Lush et David Stee. Un petit mishmash, là. Et voilà. Comment? C'est comme le même effet sonore que Troubles, hein? Wow. Merci, Tania. Fait plaisir. Une autre chronique de Tania is gonna entertain you demain. Ça va être la dernière de la saison, donc soyez-y. Nous, on était rendus à prendre une petite pause musicale. On s'en va entendre du Amelia Curran. C'est sur le palmarès anglophone, c'est tout nouveau. On aime beaucoup ça. Et puis après ça, ça va être la chronique de Xavier McLeish. Quoi ne pas dire, quoi ne pas faire. La conique. La conique qui de il mode. Il se prend pour Jean et Roldi ce matin. Ah oui, les contraventions de mode. Ouh là là. Oui, vous êtes ensemble à jouer pour encore une trentaine de minutes. Voices are terrible things to waste. On aime Amelia Curran et la pièce Gravity à Assemblage Requis. Au retour de la pause, on passe de Luche à McCluche. Ouh! Hey, t'as-tu vu ça? Vous allumez McCluche au retour à Assemblage Requis. Restez là. Ok. Pas sûr d'aimer ça, ça. Toujours dans Assemblage Requis à Cifou 89.1 FM avec Mathieu Plante. Mm-hmm, et elle, c'est Tania Baudin. Et aussi Xavier Méclèche. Hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, c'est le moment je de... Je parle fort, hein, je m'excuse. Non, ça va, c'est bien correct, on aime ça, t'as habitué. C'est le moment de faire quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup faire et qu'on espère pouvoir faire longtemps dans le futur, même si on n'aura pas la chance de le faire avec toi cet été. Non. Ça va être la conique. Oui, la conique. Des choses qu'on n'allait pas dire, qu'on n'allait pas faire. Et la semaine passée, je t'ai mis une musique de fond spéciale. C'était une chronique que je faisais dans le temps. Là. J'ai pas besoin de vous embourber les détails, mais je vais vous faire jouer l'intro au complet juste pour le fun parce que moi, je l'aime bien cette intro-là, OK? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voyons donc. Feu de fa-fa. Aïe. Où est la piscine? Pas dans moi. Où est la piscine? Je ne comprends pas. Parlez-vous le français? Parlez-vous le français? Non. Salut Xavier Méclichon. Je dirais que je sais pas quelle chronique tu peux faire avec une intro comme ça, mais. Je faisais une chronique de jeux de mots en français à l'époque. Ça a duré deux fois. En français. C'est ça, deux fois. J'ai arrêté de la faire après, mais bon. Voilà. Des fonds que je monte comme ça, je me dis je vais y réutiliser et ça fait bien avec ta chronique, je trouve. Et oui. Ouais. La semaine passée, on a parlé de relations amoureuses. J'ai eu quelques feedbacks. Mm-hmm. Et il y a un point que j'ai peut-être pas dit, c'est que les relations peuvent être autant hétérosexuelles que homosexuelles. Oui, ou à plusieurs, mm-hmm. ou à trois, quatre. Ça, donc, c'était pas seulement gars-filles. Je parlais souvent des gars avec les filles, mais soyez conscients aussi que ça s'applique. Ça s'applique à tout le monde. À tout le monde. Pourquoi est-ce que tu as eu des commentaires? Oui, ils m'ont dit est-ce que tu as des conseils? Mais quand ils m'ont dit est-ce que tu as des histoires drôles sur ça? Puis j'ai dit ben, tu sais, je pense que ça s'applique à tout le monde. Ouais. Voilà. Okay. Voilà. C'est dit. Aujourd'hui, je parle de mode. Oui, de mode. Oui. On commence par les gars ou par les filles? Oh, on va commencer par les gars parce que vous êtes en majorité dans le studio présentement. Bon, excellent. Puis je viens de parler de produits pour filles. T'as raison, il faut varier un peu. Donc, la mode pour les gars est relativement plus facile en ce moment que celle pour les femmes. Je suis d'accord. Et des fois, j'aimerais ça être un gars. juste pour m'habiller plus facilement. Et il y a une opinion générale qui n'est pas un préjugé, mais que. Qui me donne laisser l'impression que le vêtement s'en va vers de plus en plus, j'allais dire le moulant, mais c'est le skinny au niveau du pantalon. Okay, oui. Oui. Au niveau du pantalon. Et ça me laisse l'impression souvent d'ambiguïté. Ouais. Au niveau de l'orientation sexuelle pour certains garçons. Ouais, oui. Ça laisse aucune ambiguïté sur ce que t'as dans les pantalons. Non, ça c'est sûr. C'est hein. ça. Faites attention, mais c'est ça, s'il vous plaît, là. Hein? S'il vous plaît, tu sais, si tu es en train de cruiser une fille au bar, puis t'as. On n'est pas sûr, là, que t'as les bas blancs montés un petit peu plus haut, les pantalons roulés, moulants. Ouais. Les petits souliers fins. Quand on parle de donner un signal, on veut pas que tu donnes littéralement un signal dans tes culottes. On veut pas que t'envoies le logo. Savoir avant. Hein, on veut pas que tu vois le gros logo comme Batman dans le ciel. Exactement. Ok, donc ça, c'est. Là, c'est Batman. Donc c'est. Continue. Tania vient de la perdre. Ouais. Ah, mais bon. Ce qui est le fun avec Tania, c'est que quand elle rit de mes blagues, elle fait comme loin du micro pour pas que ça paraisse que mais ça on peut la. On peut oui, la semaine passée, sinon je serais jugée. Tantôt, quand on parle des filles, je risque de la ramasser un petit peu. Mais, bon, ça va bien. Mais non, mais elle va peut-être s'en surviser comme toutes les semaines où je fais des chroniques. Probablement. Mais, donc, les gars. Et les gars, il y a deux choses que les filles aiment beaucoup voir. Clairement, votre craque de fesses. Ben oui. Clairement. Les plombiers, c'est les gars les plus populaires oui, au monde. C'est ça. C'est pas les joueurs de football. Moi, j'appelle mon plombier, même si j'ai pas de difficulté avec ma plomberie, ben juste oui. pour voir ses fesses. Et ils aiment voir vraiment beaucoup vos muscles sortis dans un petit chandail trop tight. Avec un col en V. Avec un col ouais. en V. Ouais. Moi, pour ça, c'est non. Non, hein? Ces deux items-là, premièrement, moi, dans la vie, j'ai une ceinture. Oui, hey, s'il vous plaît, portez-la, hein? S'il vous plaît, oui. Puis je la mets, même si des fois les pantalons sont à bonne taille. Oui, c'est correct. Oui, parce que le moment où tu te penches... Ah! Exactement. Puis honnêtement, je trouve que c'est plus beau. Ben oui, c'est beau une ceinture. C'est beau une ceinture. C'est ouais. beau une ceinture sur des pantalons de gars. C'est ouais. rare, mais j'ai pas de chemise aujourd'hui. Moi, je suis un gars qui porte ben, beaucoup de chemise. Ben, t'as une chemise. C'est un t'as une chemise. Ah, okay. En forme de ah, chemise. Okay. En forme de chemise tout de même. Et la mode pour les chemises est assez ambiguë en ce moment. Je sais pas si vous savez. Oui. Les petits palmiers, les ouais. petits flamants. Ouais, c'est beau ça. C'est ça. C'est beau. Mais il y a aussi l'autre extrême que je trouve un peu spécial. Celle où tu sais pas trop ce qui est, ce que c'est comme trop, j'allais dire, c'est trop quétaine, tu sais, comme oui, c'est des gros extravagants, gros, ouais, beaucoup de design dessus. Beaucoup de design. On veut pas que tu sois un panneau d'affichage d'une publicité, oui. hein. Non, c'est vrai. C'est vraiment pas beau. Il y en a là, c'est comme jaune, vert, bleu, rose avec des palmiers, puis des fleurs, puis des coconuts, puis un vélo, puis une crème glacée. C'est comme. Le gars, oui. il s'en vient, tu penses que c'est un cône orange, tu sais, puis finalement, oui. c'est un gars qui marche. Mm-hmm. S'il vous plaît. Ajustez-vous avec. Puis si en plus tu portes un pantalon skinny rouge vin. Non! Fais parce attention. Que il va se démarquer, mais démarquez-vous donc par votre personnalité un peu. Puis oui, non, mais la mode est facile pour les gars. Tu te mets j'aime mieux que tu portes un chandail qui veut rien dire avec un petit design dessus que tu portes un chandail qui a trop de choses, trop d'informations. Ouais. Puis que tu as fait toi-même. C'est pas bon pour les gens qui ont un TDAH. Je sais que ça va me dire parce que c'est tout le temps la faute du TDAH, hein? Ben, pas nécessairement aux daltonistes. Ah, ah mais aussi. C'est ça. Et ou l'épilepsie. Il y a quelque chose au niveau des garçons que j'ai remarqué. Des garçons, des gars. Ouais. On va le dire, des gars. Ouais. Que j'ai remarqué. C'est assez facile, la casquette. Oui. Ouais. Hein? Ouais. Moi, j'en porte. On ouais. en parle-tu? Non, on en parle. Moi, j'ai beaucoup de casquettes. Oui. OK? Je l'assume. C'est... J'ai envie, il y a deux choses que j'achète. Trois choses que j'achète que je trouve... Cool, j'ai des cotons été en quantité phénoménale, des hoodies, des kangourous qu'on appelle, mm-hmm. de toutes les places où j'ai été. Tu sais, comme quand je vais travailler dans un camp, mettons, j'en ai un, je travaillais au tennis, j'en avais un. Bon, j'aime ça, je trouve ça le fun, puis ça représente bien l'entreprise, puis mm-hmm. c'est tout ce qui me dit marque. Les casquettes, j'en ai une chope et une barge. Puis, pour vrai, tu sais, j'en porte une à la fois, c'est correct. J'espère. Mais il y a des journées où, des fois, par accident, je me trompe de casquette, puis je change trois fois dans la même journée. Ouais. Mm-hmm. Mais les casquettes, là, tu sais, t'as le droit de l'enlever. Oui, ouais. Hey, hein? Surtout. Question de respect, là, hein? Non, mais pas juste une question de respect, là. Laisse t'sais... aérer ta tête. Laisse <J'sais pas. rire> aérer ta mais... tête. Non, mais, tu sais, il y a des gars qui portent la même casquette des Blue Jays depuis 6 ans. Ouais. T'es juge, hein? Ah. Écoute. Est-ce qu'on peut parler de la façon de la porter? Oui, oui. Par l'avant, par l'arrière, sur le côté. Ça dépend de ta face. OK. Selon moi. Mais il y en a qui la portent par derrière, mm-hmm. qui devraient peut-être la porter par en avant. Oui, c'est ça. Dans la face, ça leur, non, ça leur ferait mieux. Ah. Oui. Puis quand que ton ami, OK, je te donne un exemple, qui est déjà arrivé avec quelqu'un que je connais, te dit, ouais, t'as changé quelque chose. Mm-hmm. Puis là, il t'entend, ouais. puis là, d'un coup, il jase, puis il vire sa calotte en arrière. Ah! Ah, voilà. C'est que ta calotte n'a pas du bon sens. Quand t'es rendu là... C'est que t'apportes beaucoup trop souvent. C'est ça. C'est que t'apportes ouais. trop souvent. Pis elle fait partie de toi. Elle fait partie de toi. Puis t'es peut-être dû pour modeler la façon dont tu l'apportes. Moi, je sais plus. Avant, rien, ça dépend. Mais les palettes rondes, on dirait que. Les patates rondes. Les palettes okay. rondes. C'est sûr, style baseball. Vas-y, là. Ouais. On va en jaser, je pense. Mais moi, je me dis toujours. C'est pas si. Moi, j'ai les cheveux qui aident la vie tous les jours. Là. Ouais. Moi, mes cheveux. Fait que je peux apporter par en avant ou par en arrière. Oui, c'est vrai. Moi, ça me dérange pas. Puis si vous voyez que ma canette est là, c'est parce que je la porte sur le côté comme un tog. Puis ça, c'est. Ça, là, c'est wow. vraiment non, OK? Oui, ça, c'est. Ça, là, c'est vraiment non. La porter sur le côté ou un petit peu. Tu sais. C'était pas ton gars. J'ai une galette en ce moment, là. Mais mettons. Non, ça, là. Ça, c'est non. Ça, je refuse. Ça, c'est non. Tu sais, ce que t'avais de l'air en secondaire 4, là, c'est non. Mais ça c'est correct. Par en avant. Je peux l'apporter comme ça. Par en arrière. Tu vois, ça c'est comme la mode universitaire présentement. Hein? Tous les gars ont leur casquette comme ça. Ouais. Par en arrière, avec une couette de cheveux. Il y a personne qui a essayé de la mettre comme à l'envers, genre complètement. Ouais, c'est ça. Non. Non. Mais moi je pense que les casquettes à palette courbée, ils se portent par en avant. Oui, ah, ça je suis d'accord. Puis toi, t'as une palette droite en ce moment. Ouais, mais ça, elle est pas courbée. Non, pas courbée. Mais il y en a qui sont capables de la porter par en arrière parce qu'ils ont les cheveux pauvres. Ouais. Si t'as, tu sais, la petite toque là que tu t'attaches avec un élastique, mais oui. le reste mm-hmm, du cheveu, mm-hmm. t'as le droit de la porter par en arrière, comme ça ta petite toque elle sortira pas du petit trou. Petite man bonne qu'on appelle. Ça là, ouais. t'as le droit de le cacher, puis d'être gêné. T'as le droit de le couper. Parce que, non, t'as le droit de le couper. T'as brioche à la cannelle, voilà. s'il te plaît, là. Brioche tout ça. Hein. Non, mais c'est ça. T'es en 2017, là, puis en 2015. C'est vrai. Hein. Sous la casquette, parce que là, c'est ça, on fait le tour de la casquette, on va se le dire. Ouais. Donc, regarde, on la porte. C'est une nouvelle expression, on fait le tour de la casquette. Faites le tour de la casquette. En toute ta casquette. En toute ta cascade. Tu sais, mettons, on a parlé, il m'a dit coupe-toi les cheveux, Mathieu, quand j'ai parlé de ma chronique. C'est la première réponse qu'il m'a mis sur Facebook. Oui, parce qu'il y avait des beaux cheveux. J'arrêtais pas à chaque semaine de dire que je trouve que tes cheveux sont beaux. Mais. Mais j'ai expliqué. T'as-tu compris pourquoi je me suis coupé les cheveux? Je me rappelle pas. Parce que moi, j'ai une densité intense, une épaisseur de cheveux incroyable. Ouais. Et si moindrement le soleil, comme hier, apparaît puis que j'ai les cheveux longs, je vais commencer l'été avec une belle petite ligne blanche. Ah, je comprends. Due à l'épaisseur de mes cheveux. Exact. Fait que même que je me rase, je vais avoir l'air d'un gars qui fait du fond de teint mais qui oublie une ligne tout autour de sa face. Ouais. Donc, pour éviter ça, je me coupe les cheveux à chaque début de printemps. Ouais. Et voilà. Mais j'adore mes cheveux, c'est correct. Mais il y a des coupes que. les dessins dans le fond de la tête. Qu'est-ce que t'en penses des dessins dans le fond de la tête? C'est genre au rasoir, là. Tania? Ouais? Les dessins dans le fond de la tête. C'est non. C'est non? C'est non. À moins que tu sois un joueur de soccer qui vient de Barcelone, c'est non. OK. Ça, c'est un exemple très précis. C'est un exemple précis. Non, mais c'est parce que c'est correct. Si tu joues au soccer, ça fit. Parce que bien souvent, lorsqu'ils vont être rendus en demi-finale ou en finale, ils vont se faire des... Ouais, c'est ça. Pour des contextes. Moi, j'ai toujours. Tu sais, au hockey, ils ont le droit de se bleacher le mohawk. Oui. En série. Mais quand t'as fini, quand t'as gagné ta coupe, t'as le droit de la raser. Tu l'as perdu. Chop, chop. Retiens-toi. Non, mais rase. Rase. T'as déjà un mohawk en partant. Quoi, là? Passe pas l'été, les cheveux blonds. Les mohawks, c'est non. Les dessins dans le fond de la tête, pour vrai, c'est non. La liberté d'expression là-dedans, oui, mais, c'est non. Non, mais c'est. Tu sais, je dis que c'est non, mais ça, c'est mon opinion personnelle. C'est moins recommandable. C'est moins cute. C'est ça. C'est qu'est-ce qui est le moins apprécié des fans. Voilà. La coupe complètement déconnectée. C'est que t'es tout rasé, puis il te reste juste comme le toupette. Le mof. Ouais, ça là, ça dépend vraiment. C'est hipster, ça. Ça dépend de la forme du visage du gars. Non, mais c'est ça, mais tu vas le voir avec ta face. Ouais. Si tu ouvres les yeux matin, tu seras mort, tu fais oh, ok. Ouais. Tu sais, comme mettons là. Moi, j'ai déjà essayé pour vrai. Ouais. Pour vrai, je me suis fait croiser 4 fois par des gars dans un bar, ça a été la fin. Ah, ok. C'est ça. Moi, ça a été. Mais Mathieu, ça fitterait, mettons, juste un peu plus rasé sur les côtés. Ouais. Avec quand même. Parce que t'as quand même les cheveux qui vaguent en avant, on dirait. Ouais, ouais. Fait que ça fitterait. Mais tu sais, Mathieu est plus à l'aise de le porter que moi qui ai les cheveux très, très, très. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Et finalement, la petite. Comment t'appelais ça, la petite touffe en arrière? La brioche au cannelle. Voilà mon opinion. Pour homme. C'est ça. Ouais. Je pense qu'en 2017, tout le monde a cette opinion-là. Non, mais quand c'est rendu qu'il y a des publicités à la télé où quelqu'un coupe le man bun de quelqu'un. Il y a ça à la télé, ça. Ah ouais? C'est fini. Ça, les gars, il y a des choses qu'il faut aussi avoir. Jugement. Du jugement. Il faut être capable de... Demandez à votre mère. Non, il faut être capable de juger. Pas sûr. Ah, à vos blocs, t'as une coupe vraiment... Moi, j'ai eu... La petite séparation de ce côté, vas-y. Ah, c'est vrai. Moi, j'ai eu la pire coupe de cheveux de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire? La queue de rat. Ah oui! Quand j'étais jeune. Ouais, et c'était pas... Attends. C'était ma décision, mes parents ne m'appliquaient pas là-dedans. J'étais très jeune et je l'assumais. J'ai eu ça aussi, mais quand t'es vraiment plus jeune que moi... Ouais, mais quand on regardait Degrassi, il y en avait tout le temps un ou deux qui en avaient une. C'est pour ça! Pour ça! Donc, et ça... Tu sais c'est quoi Degrassi? Oui, je sais. Okay, je connais la nouvelle génération. J'ai eu ça, puis j'ai aussi... les deux. Ouais, non, la première génération, je pense, l'a pas connu, c'est les années 70, genre. Non, c'est ça. Mais rasé sous côté et cheveux longs à droite, mettons, j'ai déjà eu ça aussi. Non, moi j'ai eu la coupe... à gauche. Oh boy! J'avais 12 ans. La coupe bol. Coupe bol, oui, ben la coupe longueuil. Coupe champignon. Bon, coupe champignon, gars. Hey, moi, j'ai eu la coupe champignon. C'est quoi la différence entre une coupe bol et une coupe champignon? Ok, le bol, tu mets un bol, tu fais le tour. Oui. La coupe champignon, c'est il. C'est rasé en arrière. Ouais. Ouais. Très des cheveux. Très des cheveux. Ouais, très, c'est ça. Ouais. La fameuse coupe longueuil, c'est non aussi. Non, non, bon, on a fait, on comprend la réalité. Mais pourquoi ça revient pas à mode, ça? Parce que ça devrait pas. Parce que c'est un cercle, ça va revenir dans bien longtemps. Elvis Presley, c'est oui ou c'est non? De plus en plus oui. C'est de plus en plus oui, clairement. Ouais, ouais. Avec les côtés un petit peu plus courts. Mm-hmm. Qu'Elvis. Qu'Elvis. Donc le toupette quand même assez volumineux, tout ça. Moi, j'allais au secondaire avec un gars qui tripait sur Elvis. Et sa coupe de cheveux, là, il l'a encore aujourd'hui, mais c'est beau, là. Ça a tout le temps été beau, là. Il y avait le visage, il y avait le caractère et il y avait l'habillement pour le porter. Ah. Et puisqu'il me reste 10 minutes, on va passer aux filles. OK. Oh, parce que j'en ai à dire. Oh, mais. Attention, je suis la seule, là, je peux pas me défendre, tu sais, comme il n'y a pas d'autres filles avec moi. J'ai toujours que c'est mon opinion, puis vous avez le droit de rire ou de parler. Mais lorsqu'on voit plus de peau que de tissu sur toi, puis quand tu te promènes en public, c'est non. Non. Okay? Parce que tu sais de quoi tu vas avoir l'air, puis même si t'es la fille la plus, tu sais, la mieux shapée au monde, même je si... trouve qu'à un certain point, habille-toi, fille. Ouais. Non, ok. C'est... Les One Piece. Et là, ils ont sorti, j'ai vu à ça. À date, je me sens pas interpellé. Ben non. Non, mais à date, attends. J'ai vu récemment des One Piece style legging. Hein? Oui, c'est comme un one piece en comme en legging. Comme un peu ouais, moulant genre puis okay. Un peu comme un, comment t'appelles ça le truc pour faire de la danse là un léotard. Un léotard, ouais, je faisais de la gymnastique quand j'étais jeune, ouais. J'avais ça. Ouais. Ça rentre dans la craque de fesses. Pourquoi tu mets ça de, pas non. Non. Pourquoi? C'est pas beau, pourquoi? C'est ça ressemble un peu à un maillot de bain là. Tu peux même pas aller pisser en paix. C'est comme dis-moi. Ça, quand je suis capable de voir le tatou que t'as dessiné sur la cuisse. Ok, sur la cuisse. Tu sais, quand tu vois le tatou, là. Ouais. Tu sais, c'est un ligue, c'est transparent. Mm-hmm. Ouais. Tu vois la cuisse. Ouais. C'est parce que je vois aussi tout le reste. Ah, ah oui, oui, oui. Tu comprends? Ouais. Puis quand tu portes un One Piece, normalement, Tania, est-ce que tu veux qu'on voit les bretelles de ta brassière? Non. Alors qu'est-ce que tu fais? Avec une brassière, tu mets une brassière, pas de bretelles. Ah. Ou tu en mets simplement pas parce que... Ouais, mais clairement, maintenant, ouais. En plus, ils vendent des brassières qui collent. Oh, et ça ressemble à Trouble. Pas, hein? Ça, un petit on a le son aujourd'hui. Elle a squeezé le son. Tu sais, quand elle a un talent, non, c'est, ouais. Okay. C'est une blague. Si je suis capable de distinguer où commence ou où termine ton sein, oui. Visuellement, sans. C'est comme. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça comme, on voit le mamelon, puis le. Ok, okay, okay, okay, je commence à savoir où ça commence. Parce que là, j'étais là, clairement, c'est sûr que si la fille, elle a des seins, tu sais où qui commence. Non, mais juste le mamelon, là. À moins qu'elle soit difforme, mais ça, c'est correct. Là, mais ça, c'est non. Non. Ouais, okay. Les difformes? Non, les mamelons. Ah, okay. Voir les mamelons. Mais ça a été une mode, hein. Au début des années 90, ça a été une mode. Les filles portaient pas de brassière, et là, ça revient. Mais c'est pas ça. Entraînez-vous le muscle. Le mamelon? Non, le muscle qui fait que ça tient. Que ça tient droite, ouais. Parce que si j'ai hâte de te le rouler, genre, oh, ouais. Tu sais, quand tu roules les seins, parce qu'ils sont trop comme mou. Un rap. Ouais, comme un rap. maintenant. Hey, t'as bon, porter des. Non, je peux pas parce que je peux pas la rire. Porter des leggings. Oui. Ouais, les leggings, t'as quelque chose contre les leggings, toi? Moi, le, pour vrai. Tout le monde a quelque chose contre les leggings. Ah ouais? Okay. Même les filles qui portent des leggings ont des choses contre les leggings. Je sais pas, on en voit pas tant que ça. Je suis en leggings aujourd'hui, là. Mais regarde ça. Mais je suis comme en pantalon. Je comprends pas. Ça a été inventé pour faire du sport. OK, non, c'est pas le même genre de pantalon que moi. Non, mais à la base. OK. Un legging, c'est quelque chose qui est moulant, qui était... Ouais. Bon, c'est inventé pour faire du sport. Pourquoi c'est pas resté là? Parce que la mode des pantalons skinny est arrivée. Mais on est obligé d'aller dans les extrêmes, on est toujours obligé. Pour porter les pantalons skinny, il faut que t'aies des leggings en dessous pour que ça serre. C'est ça. C'est que les pantalons skinny sont devenus une mode aussi. Fait qu'on s'est mis à faire des pantalons qui ressemblaient aux leggings. Ah, OK. Ben, c'est comme les jeggings? Les jeggings. C'est comme des jeans, mais serrés comme des leggings, c'est ça? Ouais, c'est oui, ça. Okay. Exactement. Fait que ça, t'aimes pas ça non plus. Mais non! Okay. Si je suis capable de voir tes lèvres... Oh mon Dieu! Ah, oh là là là là là! Si, OK, pour quelqu'un qui a un petit surplus de poids, si je vois que t'as volé deux bananes à l'épicerie, comme dit un humoriste populaire dont j'ai oublié le nom, c'est non! Ouais. Parce que... Puis ça se porte pas... moi, j'ai vu ça. Un legging avec un crop top. Ouais, non, s'il te plaît. Là, on voit toute ta bedaine. T'as les seins moulés. On voit tout ce que t'as en bas. C'est le festival du Camulto. Dans le fond, quoi, ton... Écoute! T'as quoi dire? C'est vrai, donc. Non, mais... Sérieusement, rhabille-toi, ma fille. Ouais. Mon père, dans le temps, m'aurait dit « Je te laisserai pas sortir comme la chienne à Jacques. » Habillée comme la chienne à Jacques. Ramène dans la maison puis réchange-toi. Tu sais, un legging en dessous d'une jupe, OK, fine. Ouais. Ça ressemble à un collant. Mais qu'est-ce que t'entends par legging? C'est vraiment là, les culottes moulantes. Là. Tu sais genre ce que tu portes pour t'entraîner, là. Non, mais ça, c'est un legging, c'est moulant. Ouais. Mais tu portes quelque chose qui permet de cacher à peu près. Ouais, plus exactement. Bas. Il y en a qui portent un pantalon de cuir. Ouais, c'est ça, j'ai un pantalon de cuir. Serré. C'est vraiment quelque chose de très, très skinny dans lequel on peut. Qui vient moulant. Je porterais pas ces pantalons-là avec un chandail qui arrête où est-ce que les pantalons commencent. C'est ça. Donc, tous ces pantalons-là, qui sont dans cette catégorie-là, pour moi, c'est un legging. OK, on est à la même longueur donc. C'est ça. Tout ce qui peut te mouler le vagin, c'est non. Si je suis capable de tout voir... Tout le monde est à l'école à Star. Non, mais c'est pas grave. J'utilise les... Faut que j'ai l'air offusqué. Non, mais j'utilise les vrais mots. J'ai pas dit non. Le vagin. C'est le vagin. Mais c'est ma job d'avoir l'air offusqué. Si, en plus, mademoiselle, vous portez une babette parachute. Une babette parachute. C'est quoi ça, une babette parachute? C'est grand-mère? Oui, c'est ça. OK, ouais. Puis tu portes... C'est qu'on voit le pli. On vient voir le... Je peux pas comprendre que quelqu'un pense à porter ça. Puis, tu sais, ça peut se porter en dessous d'autres choses. Portez-les comme des collants, s'il vous plaît. Quand tu mets ton legging, tu te dis, est-ce que je mettrais des collants de la même façon? Puis pour vrai, ça va régler tous les problèmes. Ouais. Parce que tu portes un legging comme un collant. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Mais là, ils ont inventé les fameux chandail translucide. Hey, hein? Oui, les préférés de ma copine. Les préférés de ma copine. Mais oui, les chandails où qu'ils ont pas, comme elle dit elle-même, sont, ils règlent même pas le problème du concept du vêtement. Le concept du vêtement, c'est quoi? Cacher le de corps. De cacher le corps. Donc, si t'es obligé de porter un autre vêtement pour cacher ton corps parce que tu portes un vêtement, ils font même pas leur tâche principale. Ouais. Ce vêtement-là ne réalise même pas le but dans lequel il a été créé. Mettons, tu portes ton chandail qui est comme un petit peu transparent par-dessus, fait que tu le vois un petit peu au travers de ce que tu mets par-dessus. Même camisole en dessous. Mais ton chandail, là, son but, c'est de cacher. Oui. C'est le but d'un vêtement. Non, mais ça peut être beau, mettons, tu sais, une blouse qui est semi-transparente avec une camisole en dessous. C'est beau, je comprends. Je comprends. Mais porte pas ta blouse transparente toute seule. OK. Mais non, c'est ça. Moins que t'aies le goût d'aller au Scrabble. De jouer au Scrabble. Ouais, c'est ça. Oui, de faire une pièce de théâtre au Scrabble. Oui. On va rappeler Alfalfa et ses jeux classiques de table. Exact. Mais, donc ça, c'est non. Si tu sais, les vêtements, c'est fait pour être portés. Puis c'est beau, des fois, un vêtement transparent, comme l'a dit Tania, mais, excusez-moi, il y a des limites. Si t'es obligé de porter une brassière, une camisole, un t-shirt plus ta chemise transparente, c'est parce que t'as pas compris. Oui. T'as oublié de t'habiller. Et là, il y a la nouvelle mode de femme gars. Le quoi? Genre, ils portent des chandails marqués 99%, avec des. Tu sais, qui ont l'air des chandails de basket un peu. Forever 21. Tu sais, la place où tu trouves un beau vêtement parmi 34 vraiment laids, puis 360 que tu voudrais jamais porter. Oui, ben oui, clairement. Ce magasin-là. Où, c'est ça. Voilà. Je suis vraiment perdu dans tes références. Forever 21, c'est quoi? Mais ils portent, ils ont des chandails de baseball filles. OK. Ils portent comme des chandails semi-sportif. Ouais. Mais je trouve pas ça si pire, mais quand que t'as plus l'air d'un tomboy. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que c'est l'idée, non? Imagine. La cache-cache sur le côté. Ouais, c'est ça. Bien, souvent, ça va avec ça. Ouais. Mais je vais avouer qu'il y a des jours où ça me tente d'avoir l'air d'une tomboy. Oui, tu veux pas te faire cruiser, tu veux te sentir bien, confortable. Tu sais, mettons, je suis pas maquillée. Ouais. Je porte une casquette. T'as l'épicerie. J'ai un legging avec un chandail qui me ramasse jusqu'au genou. Une photo Instagram. J'ai des sneakers d'un pied. Il y a une forte chance que si tu veux me parler, approche-moi je te crie après. C'est ça. Mais c'est ça. Et il y a, je vais terminer. Où je viens de finir de m'entraîner. C'est un des deux. Je vais terminer là-dessus. Chère demoiselle, à l'appareil. Oui. Tu sais, dans la vie de tous les jours, on n'a pas le goût de savoir et d'entendre que tu arrives parce que tu portes des talons aiguilles 34 pouces parce que tu mesures 4 pieds 2. Ouais. Tania, je pense qu'elle va avoir de la misère avec celui-là parce qu'on entend venir de loin. Ouais. Non, mais il y en a. Mais je marche du talon, ça, je le sais. Mais quand que tu t'en vas dans la vie de tout. Mettons, tu t'en vas à un cours de piscine. Mettons à quoi faire. J'ai des sneakers d'un pied, là. Non, c'est ça. Il y en a qui portent leur talon, là. Tu sais, conduit en talon. Écoute, ton talon haut, là, à la base, il va te scraper le dos. Ben oui. Il va te. Et les pieds. Détruire tout ce que tu possèdes au niveau des articulations et des vertèbres à long terme. Mm-hmm. Et deuxièmement. Il devient plus spécial quand tu le portes. C'est vrai. Moi, quand. Écoute, il y a une chose que j'ai. Mais est-ce que ça, tu calcules ça de talon haut? C'est quelle hauteur tes talons pour les autres? C'est des grands talons, là. Deux, c'est plus. Deux pouces. Ouais, deux pouces, mais c'est que. C'est des gros talons. Ouais, c'est ça, c'est pas un soulier fin, là. Non, c'est ça. Mais okay, c'est pas un talon aiguille. C'est un soulier. Là, tu sais, les souliers. J'allais dire classique balle. Oui, tu sais, genre, t'as un mariage demain, ce genre de soulier, là. Puis il y en a qui portent ça tous les jours, juste parce que ça fait ressortir. Puis là, ils marchent un peu les épaules en arrière avec leur crop top puis leur legging moulant monté jusqu'aux hanches. Cette personne-là avec trop de maquillage, puis probablement qu'il leur parle. T'as l'air à la chasse-galerie dernièrement, toi. Ouais. Cette personne-là, là, tu sais, on vient, on date, là. Ouais. C'est la personne que quand t'as croisé au bar, tu veux pas y parler. Ouais. Puis si tu veux y parler, c'est parce que tu veux vraiment un one night. Parce qu'elle, s'en va là. Tu sais, en vrai, elle veut toujours ça dans la vie, là. Mais ça, les filles, c'est non. Parce que vous avez l'air de godaille. De godaille. Non, mais c'est. Non, ouais. Pour vrai. Puis la mode pour les filles est sur le semi-moulant ou le très, très vaste. Oui, c'est vrai. Présentement, genre, c'est très. Les robes de jeans qui ont. On dirait qu'une fille de 400 livres pourrait porter. Oui. Mais que c'est du small. Ouais. Fait que je veux pas voir la triple X large. Oui, non, c'est ça. Parce qu'elle est déjà large. Mais j'aime mieux que tu portes une robe de jeans que small qui a l'air d'une triple X large que tu portes un crop top avec des leggings parce que. Reste, un vêtement, c'est pour être pour te cacher. C'est ça, on dit pas quelque chose de mal à avoir 400 livres. Juste, il faut que tu portes quelque chose qui va avec ta taille. Parce que sinon, c'est pas beau. Puis, plus. Quand tu te regardes dans le miroir, si toi-même, tu réalises pas qu'on voit tes mamelons, allume la lumière. Allume la lumière. Allume, là, fait clutch. Là. Non, je vois pas comment tu peux ne pas t'en rendre. Tu vois, c'est ça, tu ne peux pas. Tu le fais volontairement. C'est vrai. J'ai vu des gars qui se prenaient avec des chemises de dragon, tu sais, qu'on avait quand on était jeunes, Dragon Ball. Là. Ouais. Mais, oh mon dieu, ça... ils ont du feu dessus. Oui, oui, et voilà, on a tous la même en tête. Et, mais moi, je trouve pas ça si pire à porter. C'est correct. Je trouve ça pire porter des leggings avec un crop top qu'à porter une chemise qui a l'air d'une chemise d'enfant. Mais ça, c'est pas si t'es un gars. Mais non, mais pour une fille, là. Mets-toi à la place, là. Ouais. T'aimes-tu mieux voir un gars qui est habillé ou voir une fille qui est quasiment tout nue dans une place publique? Je pense que j'aime mieux voir un gars qui est habillé avec une chemise de dragon qu'une fille avec un crop top. OK. Parce que. Puis des leggings. T'as l'air. Pour vrai, t'as l'air tout nu. Oui. Puis. Mais là, l'été s'en vient en plus. Là. Ils vont ressortir ces crop tops. Non, mais j'aime mieux que tu sois. J'aime quasiment mieux que tu sois en maillot de bain. Ouais. Qu'être quasiment tout nu. Parce qu'en maillot de bain, au moins, tu sais, c'est fait pour cacher. C'est ça. Je vais finir sur un point pour les écoliers. Je sais que sont les parents d'écoliers qui sont, oui. sont à l'écoute ou que le monde qui ont une soeur, un frère. Parce qu'on est sûrement à l'école à cette heure-là. Ouais. Sont à l'école à cette heure-là. Les écoles privées ont des jupes portefeuille. Oui. Est-ce que vous savez de quoi je parle, là? Oui. C'est des jupes. Attends, faut que je me lève. Moi, quand j'étais jeune, je voulais. Je vais essayer de décrire ça. Je voulais que mon école ait des uniformes pour porter. C'est ça. Donc, c'est une jupe que. Elle s'ouvre comme. Elle fait ça ici. Elle s'attache avec un bouton, puis souvent, il y a une épingle dans la main. Oui. Okay. Donc, c'est comme une serviette, ça. Ouais. En fait, ça s'attache comme une serviette. Oui. OK? Et là, je vais vous montrer ce que j'ai vu physiquement, puis je vais l'expliquer en même temps. Je vois les. Micro, tu tiens pas. Je vais le tenir. La fille, elle arrive à l'école avec son jeans. Okay, ok, oui, t'as pas le droit, par exemple. Non, faut que tu changes. Faut que tu changes. Elle arrive à sa... Alors, je vais le faire assis, là. Ok. Elle arrive à sa case avec mm-hmm. son jeans. Et quelle serait la logique? Tu wraps la jupe autour, t'enlèves ton jeans. Tu vas à la salle de bain, tu fais tout ce que t'as à faire. Oui, hein? Mais si t'es dans une école de filles, clairement, ça va se voir que tu wraps ta jupe autour de ton jeans et tu détaches ton jeans. Écoute, j'étais 5 ans dans une école privée au secondaire et... J'ai vu des choses. Ouais, c'est ça. Je sais. On dirait qu'il est revenu de la guerre. La fille, elle enlève ses jeans, elle wrap la jupe. Elle enlève ses jeans, elle monte son cuissard, puis elle wrap la jupe. Wow! Ah. Au moins, est ton cuissard en dessous ton jean si tu fais ça. OK, elle l'avait pas. Non. Elle avait, mettons, son cuissard dans sa case. Fait qu'elle ouvre sa case. Elle arrive, parce qu'elle arrive, d'ailleurs, il faisait froid. Là, l'été, fini. Ouais. Arrive, fait elle dit à son ami, cache-moi. Non, même pas. Elle ouvre sa case. Prends ton sac à dos. Ramasse le legging. Drop ses jeans. Monte le legging. Ramasse la jupe dans la case. Sans sac. Puis, tu sais, écoute, j'ai vu tes bobettes. Ouais. C'est une école mixte. C'est une école mixte, je suis d'accord avec toi. Puis, s'il vous plaît, là, les filles au secondaire, vous êtes les gars, regarde dans nos jupes, mais portez des leggings. Ouais. Parce que oui, il y a des trous dans les escaliers parce que c'est fait comme ça, c'est une norme. Ouais. On peut voir dans les cracks. Mais s'il pogne un coup de vent dans une porte, c'est pas les normes, c'est la réalité. Puis tout le monde va voir tes belles petites bobettes. Fait que la journée où tu commences à être à l'aise, ben porte des leggings. Voilà, des leggings ou des cuissards. C'est ça. Donc, pour les parents, vous pouvez donner ça comme information à la fille. Parce que, sérieusement, c'est malaisant. Puis, il y a des filles qui font rire d'eux parce qu'ils n'ont pas réalisé encore. C'est vrai. C'est malaisant pour tout le monde, pas juste pour les gars. Ouais. C'est ça. J'ai une question. Oui. Pour vous, dans les uniformes de travail, une jupe, c'est oui ou c'est non? Bien, ça dépend dans quel contexte tu es. Ça dépend de la longueur de la jupe aussi. OK. Ouais. C'est bon. Je dirais oui, si elle est longue. Ben, t'sais, pas trop courte dans le sens. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai toujours dit. Tu t'habilles pas pour aller sortir, là? Si t'habilles comme une joueuse de tennis. Plus longue. Non, mais si t'habilles comme une joueuse de tennis, tu peux pas aller travailler. Okay. Est-ce que Marc, Eugénie Bouchard, puis check son kit, là. Ouais. En fait, c'est ça la référence. C'est court, ouais. C'est court, mm-hmm. Puis on voit tes épaules parce que t'as eu chaud. Ouais. Mais ça, c'est non. Voilà. Ouais. On travaille. Mais tu parlais, genre, kit de tennis, le polo ou la camisole? Non, non. Vraiment, le kit de joueuse de tennis en ce moment, là, genre, semi-camisole. Ou que tu te penches puis tu vois les cuissards. Non, mais tu peux mettre ton cellulaire dans tes cuissards puis on sait où il est. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. Exactement. Quand on est capable de déterminer dans ta craque de sein où t'as ton cellulaire puis ton portefeuille. Dommage. Ouais. Voilà, c'est tout mon Jean-Fray pendant 10 ans. Tu vois, je me suis pas senti offusqué. Non, parce que je pense qu'on est tous d'accord sur ce qui est comme approprié en public ou pas. Mais en même temps, liberté d'expression. Puis sachez-le, c'est là, on vous juge mais quand on vous voit à Chasse-Galerie. Mais j'ai le droit, mais on a le droit de vous juger. Moi, vrai, quand c'est le festival du Camelto, je suis parti. Il n'y a rien qui m'insulte plus. Écoute, il y a une journée que je vais nommer lors de. Carnaval. Une journée qu'on va nommer, appelons-la carnaval mercredi. Mettons le American Got UQTR Show, là, le talent show. Il y a une troupe de danse de l'UQTR qui s'est présentée et la première réaction que j'ai entendue, c'est « Hey, check ses élèves! » Si c'est la première réaction que la personne avait, moi j'étais comme « puis tu sais, je regardais le spectacle. » Il peut être aussi pire que la fille là-dedans parce que le gars, c'est un puis le commentaire du juge a été « Ouais, vous êtes mis en valeur. » Oh. Mais tu sais, c'est poli ça. C'est poli. C'est poli. Mais quand t'es genre quelque chose comme ça que tu mets en valeur, ou mais c'est peut-être un signe. C'est ça. Ah, tu laisses pas grand place à l'imagination, toi. Mais c'était clair là. Ouais. Hein. C'est peut-être parce que vous étiez un petit peu hors norme. Voilà. Et oh. Ergo. Et c'est go, dit. Go. Est-ce que t'as dit go ergo? Go ergo. Ok, on va passer. Go ergo. Ergo. Ouais, bon. Les merci, calottes vertes, je pense. Orange. Merci, Xavier. Okay. Ça fait plaisir. Tu risques de me faire ramasser dans le couloir en sortant par une fille de ouais. Ergo, là. Un gars. Xavier Méclèvre. Ouais. Merci beaucoup. On te retrouve vite. Ok, non. Ça marche moins que McLuche, je t'entends. Écoute, je les ai tout entendu, là. C'est ça. Ah, on voilà. Te retrouve bientôt. Je sais que tu t'en vas hors de la région pendant le. Ouais, l'été. Je pars finalement jeudi pour l'été. On pourrait peut-être se parler si jamais il y a du réseau dans mon bout. J'aimerais ça par téléphone. Ouais. On est ouvert à ça. Et si tu reviens en personne, si la fin de l'été ou avant l'automne, on peut te revoir aussi. Mais oui. On veut te revoir, ça c'est certain. Excellent. Fait que vous me direz vos dates de disponibilité. Puis j'ai peut-être des sujets comme, exemple, les emplois d'été, oui ou non. Qu'est-ce qui est un oui ou non dans les emplois d'été pour les étudiants et les stages. Voilà. Cool. Merci, cool. Xavier. Fait plaisir. Xavier. Cliche. Bonne fin d'année à vous. Et bon été. Merci, merci d'avoir été à l'émission. Un plaisir. Nous, on termine l'émission là-dessus. On doit se quitter parce qu'à 10h, ça va être l'émission de Compte à rebours qui s'en vient. Ensuite, à 11h, la rediffusion de Rock de Neurones. À 14h, ce sera ton émission. Tania, qu'est-ce qui s'en vient dans Rampage cet après-midi? Oui, bien, il s'est passé pas mal de choses dans les derniers jours où il y a eu des nouvelles qui n'étaient pas nécessairement de très bonnes nouvelles. Ah. Donc, on va discuter un petit peu de tout ça et on va faire, bien évidemment, le retour sur... l'annonce de Dale Earnhardt Jr. OK, donc ça c'est à 14h pour En Piste avec Tania Baudin. Je vais de retour moi à 15h pour le Mathieu Plante Show, l'émission de choses geek avec le retour de la chronique de Samuel Girard aussi sur le Super Nintendo, donc ça c'est à 15h. À 17h, Audiomatique avec de la musique électronique. 19h, L'Optrotter et sa musique du monde. Donc c'est votre programmation du mercredi. Cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Demain à l'émission, jeudi, on va voir à 8h Alex Marchand de la GAQTR. On va faire aussi une grosse pointe à l'adresse. C'est demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Merci Tania. Merci à toi Mathieu. On se retrouve demain. Bon café bonne tout le monde. Bye. Bye.